De tous les sujets qui me tiennent à cœur et que j'avais envie de partager un jour ou l'autre sur le podcast, celui dont nous allons parler ce soir occupe une place de choix. Et j'ai un peu de peine à comprendre qu'il nous ait fallu attendre le 170e épisode pour l'aborder. Sans doute le temps de trouver le bon interlocuteur. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le mercredi 4 juin 2014, et c'est donc l'épisode 177 ou 177. Nous allons parler vaccins avec notre invité Nima Yeganefar. Bonsoir et bienvenue. Autour de notre table virtuelle. Alors, aux commandes du Beans, une fois n'est pas coutume, votre ex-dictateur préféré, Alan, depuis la Suisse. Et bien sûr, on a le dictateur en chef, le dictateur en titre, notre dictatube national, Nico, en direct de Paris. On a David, qui est enfin de retour du pub. Après 2 semaines dans un pub, il est de retour. Oui, oui, l'alcool irlandais. C'est à moi qui me fallait bière, j'ai du mal à m'en remettre. Mais voilà, je suis de retour. Ça fait plaisir, bienvenue, welcome back. Et puis, en direct de chez Billy, nous avons Nima, justement. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir à tous. Sois le bienvenu, Nima. Et Billy, merci pour l'accueil. Alors, au sommaire de cette émission... L'interview de Nima sur les vaccins. Les questions d'auditeurs, qu'on espère nombreuses. Donc, on vous rappelle que dans la chatroom, vous pouvez les poser en faisant précéder votre message du code @PS. Ça nous permet de les regrouper, puis de les avoir d'un coup, en fait. Le pitch de l'émission de la semaine prochaine. Que tu as préparé, j'espère. Une quote. Quelques plugs et annonces. Et c'est tout. Alors on attaque sans plus attendre. Nima, donc tu es prof à l'université de Poitiers, mais c'est pas à ce titre qu'on te reçoit, mais en ta qualité de penseur critique et de blogueur. Alors pour te présenter, j'ai pas pu m'empêcher de ressortir le message que tu avais envoyé au Café des Sciences lorsque tu as souhaité rejoindre ces rangs. Donc là où d'autres y vont de leur copieuse tartine, toi tu avais fait dans la formule brève. Je sais pas, tu as le texte sous les yeux, tu veux nous le lire ? Je ne l'ai pas sous les yeux, non. Ok, j'y vais. Alors, tu nous disais « Bonjour à tous, je blogue sur les thématiques de la communauté sceptique, science versus pseudo-science. Mes sujets favoris sont les biais cognitifs, les médecines alternatives, les sujets hot-hot du style vaccination, ondes, OGM, nucléaire. Vous en avez eu un petit aperçu avec l'épisode vaccin pour ceux qui ont suivi. J'ai aussi une expérience longue de militantisme à l'extrême gauche, donc je souffre aussi de quelques biais irrécupérables. » Voilà, ça te présente bien, je pense. C'est simple et efficace. Donc aujourd'hui, c'est de vaccins qu'on va parler sous l'angle de la pensée rationnelle. On va beaucoup parler du mouvement anti-vaccination aussi, puis on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Je propose de commencer par quelque chose d'absolument essentiel. À force de fréquenter des gens qui ont un pseudo bizarre sur l'Internet mondial, je me demande, Nima Yeganefar, en espérant que je ne l'ai pas estropié, c'est vraiment ton vrai nom ? Ouais, c'est vraiment mon vrai nom, ouais. Je m'en veux presque d'avoir un nom si commun sur l'Internet. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui apparemment ont des noms inventés. Ça faisait bien pseudo. Hein. Moi, j'étais persuadé que c'était un pseudo. Ouais. Donc, comme Billy, c'est ton vrai prénom, quoi. Ouais, Nima, c'est mon vrai prénom, ouais. Bon, enfin, maintenant qu'on a clarifié ce point d'importance capitale, on va parler de bricoles diverses et variées. Les vaccins, d'abord, Nima, est-ce que ça marche ? C'est une question très vaste, du coup, c'est pas forcément facile à répondre comme ça. Si on veut être rapide, on peut dire oui, ça marche, et très bien. La meilleure preuve qu'on a, c'est l'éradication, par exemple, de la variole. La variole, elle faisait 400 millions de morts au XXe siècle, par exemple. Et grâce à la vaccination et des campagnes de vaccination massive, on a réduit ce nombre à zéro, du coup, puisque la variole est éradiquée sur cette planète. J'ai d'autres chiffres de ce type-là. Par exemple, au XXe siècle, on avait plus de 12 millions de morts à cause de l'hépatite B, 100 millions à cause de la rougeole, 38 millions de morts sur la planète à cause de la coqueluche. Et aujourd'hui, ces chiffres-là se comptent par centaines de milliers, on va dire. Dans les pays industrialisés, dans les pays développés, on est quasiment à zéro. On est très proche de zéro. D'ailleurs, la polio est quasiment en passe d'être éradiquée aussi. On pourra peut-être en reparler un peu plus tard. Pour te donner un autre exemple de cette efficacité, j'avais trouvé dans un rapport de l'INSERM, il n'y a pas beaucoup de documentation en fait en France, malheureusement par rapport aux pays anglophones. Ce qu'on avait mis pour l'ouverture du podcast, là, on avait mis tu vois, que le vaccin en 20 ans avait permis d'éviter aux États-Unis, seulement aux États-Unis et en seulement 20 ans, 732 000 morts, ce qui est... assez colossal quand on imagine un pays comme les États-Unis. Ouais, 732 000, c'est, C'est trois quarts de million, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est fou, quoi. On avait 322 millions de maladies qui ont été évitées grâce à la vaccination, toujours aux États-Unis sur ces 20 ans. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, en France, on a plus de mal à trouver des chiffres parlants ou des rapports qui sont visuels, comme on trouve dans les pays anglophones. Mais j'avais trouvé un rapport de l'Inserm qui signalait en France, avant 1950, on avait 50 à 100 morts de la diphtérie, une cinquantaine de morts de la coqueluche, 1000 morts de la tuberculose. Et après 1990, et notamment après l'impact des vaccins, on est quasiment à zéro partout sur ces trois maladies que je viens de citer. D'accord. Donc, au niveau de l'efficacité, c'est vraiment indéniable. Et c'est même la question, ce serait vraiment... pourquoi ça ne marcherait pas? Enfin, quand on connaît le mécanisme de la vaccination, on ne voit pas pour quelles raisons cette vaccination ne serait pas efficace aujourd'hui. Juste pour faire rapide, et, les profs de biologie me pardonneront cette simplification, notamment Billy qui est à côté de moi. Mais c'est vrai que le vaccin, c'est finalement stimuler le système immunitaire comme elle le ferait naturellement confronté à la maladie. Donc on a un virus qui va rentrer dans le corps grâce au vaccin. Ce virus, évidemment, il est de telle sorte qu'il ne va pas être... dangereux pour celui qui le reçoit, puisque c'est le but. Mais le système immunitaire va réagir, va créer ce qu'on appelle des anticorps pour se défendre contre ce virus qui est rentré dans son corps. Et du coup, va développer une attaque contre le virus pour éliminer le virus rapidement. Et donc ça permet tout simplement de préparer le corps à l'attaque du vrai virus qui viendra quelques années plus tard ou quelques mois après. C'est un peu, j'aime bien cette image parce que je trouve qu'elle est très parlante. C'est un peu comme quelqu'un qui se dit je vais courir le marathon et bah, il va se dire tiens, avant d'aller courir 40 km, je vais peut-être commencer à courir 10 km pour voir ce que ça donne. Et puis je vais continuer comme ça petit à petit, m'entraîner un peu pour après m'attaquer au marathon. Et bah, les vaccins, c'est exactement ça. C'est-à-dire on va être confronté à la maladie, une maladie atténuée, une maladie qui ne va pas nous faire de mal, pour préparer notre corps. De manière on ne peut plus naturelle, on va dire, même si ça n'a pas trop de sens ce terme, mais pour, une fois qu'on est confronté à cette maladie, pouvoir être capable de la combattre bien plus efficacement. Enfin, présenté comme ça, ça a l'air idéal, mais on parle quand même pas mal de soucis d'ingrédients. On parle d'aluminium, de mercure, d'autres cochonneries dans les préparations vaccinales. Tout ça, et qu'on administre à des bébés, je ne sais pas, info ou un tox? Intox, mais c'est le terme peut-être cochonnerie, peut-être bien pour podcast science, mais je pense que c'est vraiment pas des cochonneries, c'est la manière dont on se les imagine et la manière dont ils sont présentés par les campagnes anti-vaccination qui les rend si dangereux dans la tête des gens, alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Pour te prendre un exemple parlant, donc dans les vaccins, on trouve soit des adjuvants, soit des conservateurs. Les adjuvants, par exemple, c'est l'aluminium. Alors, ce n'est pas exactement de l'aluminium, c'est des sels d'aluminium, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, je sais qu'il y a, pour les gens, c'est la même chose, mais chimiquement, ce n'est tout de même pas la même chose. Et l'aluminium, ça permet de permettre au vaccin d'être plus efficace. En fait, la réaction immunitaire grâce à l'aluminium est accentuée, on va dire. Et donc, ça permet de, quelque part, ça permet de mettre, entre guillemets, hein, pour imager, moins de virus dans le vaccin, moins d'agents pathogènes, ça s'appelle, en gros, techniquement, pour avoir une réaction immunitaire tout de même forte. Et ça, c'est intéressant parce que moins on met d'agents pathogènes, moins on met des choses qui font réagir le système immunitaire et moins on a de risque d'avoir des problèmes, soit d'avoir la maladie, soit de créer des réactions des réactions auto-immunes ou des choses comme ça. Et pourquoi donc ces sels d'aluminium ne sont pas dangereux? Tout simplement parce qu'on a plein d'études qui cherchent à voir s'il y a un lien entre l'aluminium et puis des certaines maladies qu'on peut avoir en se vaccinant ou sans se vacciner, enfin dans la vie de tous les jours. Et toutes ces études montrent qu'il n'y a pas, on a pas de lien de cause à effet entre l'aluminium et, par exemple, la sclérose en plaques, je crois, qui est souvent traitée en France. On ne trouve rien. Alors, il y a quelques études en France sur l'aluminium. C'est un cas un peu particulier. J'aurais peut-être pas dû commencer par celui-là, mais parce qu'il y a une équipe de recherche en France qui est très active sur l'aluminium, et enfin, l'aluminium dans les vaccins, encore une fois, et qui a créé pas mal de polémiques en France. Il y a eu beaucoup de discussions, mais il y a eu quand même deux rapports coup sur coup en 2014 et 2013 qui ont analysé de l'académie, un rapport de l'Académie de médecine et un rapport de la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui ont analysé le lien entre l'aluminium et puis d'éventuelles maladies, et qui ont conclu que l'aluminium, pour l'instant, ne posait pas de problème dans les vaccins. Les doses, en fait, sont très faibles. Pareil pour le mercure, par exemple. On dit mercure, mais en fait, ce n'est pas vraiment du mercure qu'il y a dedans, c'est de l'éthylmercure. Et c'est un conservateur. Donc ça permet... C'est un truc intéressant, en fait. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça permet de faire des vaccins multidoses. Alors, je ne sais pas si tu connais, Alan, ce que c'est des vaccins multidoses. Non. Mais, en fait, moi non plus, je ne savais pas, mais c'est simplement un vaccin qui va te permettre d'être utilisé plusieurs fois de suite. Donc ça, c'est très utile quand tu fais des campagnes massives, par exemple. Tu peux utiliser le même tube pour vacciner plusieurs personnes, on va dire. Et donc, ce mercure qui est dedans, ça a des propriétés de conservateur. Donc c'est comme pour ceux qui connaissent le mercurochrome, par exemple. C'était un truc antiseptique. Ben, c'est la même propriété qu'on utilise ici. Et les doses qui sont dedans sont très faibles. Et encore une fois, les études sont absolument claires sur le sujet. Aucun lien entre mercure et l'autisme, parce que c'était souvent ce lien qui était anticipé par les campagnes anti-vaccination. Je pourrais encore continuer sur un autre truc qui a un peu défrayé la conique, c'est le formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est pareil, je ne l'ai pas dit ni pour l'aluminium mais ni pour le mercure, mais c'est vrai que les deux à haute dose sont dangereux. Par exemple, on sait que pour le mercure, quand on consomme par exemple des produits de la pêche, quand on en consomme beaucoup, par exemple le thon, on peut risquer d'avaler une quantité non négligeable de mercure, et il y a eu des intoxications dans l'histoire aussi par le mercure qu'on a déjà expérimenté dans certains pays. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça marche, si tu veux, la propagande d'anti-vaccination, c'est que à haute dose, ces produits peuvent être dangereux, mais aux doses où on les trouve dans les vaccins, c'est quasiment peanuts à côté. Et pour le formaldéhyde, juste pour finir là-dessus, ça aussi c'est très parlant parce que c'est quelque chose qui est classé comme cancérigène, donc ça fait très peur. Mais en fait, quand on regarde les doses auxquelles on les trouve dans un tube de vaccin, on est en microgrammes, ce qui est très faible. Et surtout, c'est très faible par rapport à ce qu'on a déjà dans le sang en consommant normalement dans la vie de tous les jours. Parce que ce que peu de gens savent, c'est que le formaldéhyde est un produit qu'on consomme, enfin, dans la vie. Quand on consomme un fruit ou une poire ou des choses comme ça, eh ben, les produits qui se dégradent dans notre corps, il y a du formaldéhyde qui est présent dedans et on trouve dans notre sang naturellement du formaldéhyde. Donc ce rajout, ces petits excès qui arrivaient par le vaccin, finalement, par rapport à ce qu'on expérience dans la vie de tous les jours en mangeant normalement, c'est quasiment... c'est vraiment rien. Voilà pour les ingrédients. Ok, vachement intéressant, merci beaucoup. Et puis la proportion entre le taux de succès qui est énorme, hein, tu l'as dit, et puis les cas à problème dont on parle beaucoup, on a une idée un peu du ratio? Bah écoute, c'est une question, je crois, que Billy me posait juste avant, et c'est vrai que non, j'ai pas de données très, très précises là-dessus en tête. Ça doit pouvoir se trouver. Mais ce que je sais, c'est que c'est les cas graves de vaccination, c'est très, très faible. J'avais un exemple. Donc, ça dépend des vaccins, évidemment. Mais je ne sais plus, on doit être, par exemple, pour les effets indésirables. Pour faire simple, on a quoi ? On a les effets négligeables, genre fièvre, douleur musculaire. Des trucs un peu plus choquants visuellement, comme des cas de convulsions ou des choses comme ça. Donc ça, c'est déjà plus fort. Et après, donc ça, c'est assez faible comme risque, tu vois, mais c'est quand même présent, on l'observe. Il y a aussi l'évanouissement, mais l'évanouissement, c'est plus simplement dû à la piqûre. Les gens ont peur de se faire piquer, mm-hmm. comme moi d'ailleurs. Ou moi, par exemple, je m'évanouis quand je vois mon sang, ça m'est déjà arrivé. Donc la piqûre et l'évanouissement, c'est aussi souvent juste le stress d'avoir quelque chose qui nous pique. Après, on a par exemple des syndromes un peu plus graves, des cas de narcolepsie sur un vaccin, le Pandemrix, il y a quelques années. Le vaccin a été vite retiré quand on a pu mettre l'excès de cas de narcolepsie. Et pour te donner une idée, par exemple, de cette histoire de narcolepsie, c'était une augmentation de 3 à 7 cas sur 100 000 personnes. Donc la narcolepsie, c'est des choses, une maladie, enfin voilà, c'est une maladie pour les gens qui savent pas, qui est une dérégulation du sommeil. Donc on peut s'endormir, on est devant notre écran, on est devant dans une classe, on écoute, et puis on s'endort soudain, ou on est derrière le volant, on s'endort. Enfin c'est quelque chose quand même qui est difficile à vivre et qui est dangereux du coup. Et donc c'était suite le Panamérique, c'était un vaccin contre la grippe suite à la crise H1N1. Et donc en 3-4 années, on a pu mettre en évidence un lien, une augmentation en fait des cas de narcolepsie. Donc, ce vaccin a été retiré. Donc, c'est pour dire que voilà, c'est considéré comme quelque chose de grave, du coup, puisqu'il a été retiré. Mais on est dans une augmentation de 3 à 7 cas sur 100 000 personnes, ce qui reste quand même assez choquant que ça. Donc, 3 à 7 cas en plus de ce que, naturellement, on observe dans la population. Vous savez, dans la population, je ne sais pas, il y a peut-être 100 personnes qui vont développer des cas de narcolepsie sur 1 million. Eh ben, je dis n'importe quoi, hein, c'est des chiffres inventés. Eh ben, il y aura 103 ou 107 cas... à cause de ce vaccin Pandemrix. D'accord. Versus un taux de succès de quel ordre de magnitude ? Alors là, le vaccin, c'est le vaccin contre la grippe. Donc, c'est beaucoup plus complexe, l'efficacité du vaccin contre la grippe. Peut-être, je crois que tu voulais en parler peut-être plus précisément. Donc, autant attendre ce moment-là, comme tu sens. Je l'aborde maintenant. Ouais, bah, ce moment-là est maintenant, en fait. D'accord, c'était justement ma question suivante. Est-ce qu'on peut mettre tous les vaccins dans le même panier ? C'est vraiment le vaccin le plus particulier. La plupart des vaccins qu'on connaît, contre la polio, contre la rougeole, ça, ont une efficacité très, très importante. On est de l'ordre de 90% de protection individuelle, même parfois plus que ça. Par contre, le vaccin contre la grippe, bah, il faut comprendre ce que c'est la grippe, en fait. La grippe, c'est assez particulier parce que c'est un virus qui mute tous les ans, enfin qui mute tout le temps, en fait, et assez rapidement. Donc, tous les ans, le vaccin de la grippe est un peu différent, ou celui qui nous touche est un peu différent de celui de l'année passée. Donc, les scientifiques, ce qu'ils doivent faire, les chercheurs, c'est qu'ils doivent anticiper la forme du virus qu'aura le virus l'année d'après. Parce qu'on sait qu'il y a des périodes où le virus réapparaît et on doit anticiper cette forme de virus. Et donc, on doit faire une espèce de... Comment on dit quand on... Une prédiction. On doit faire une espèce de prédiction. Donc, on a quand même une bonne idée de comment ça marche. Donc, les mécaniques de la mutation, tout ça, les chercheurs maîtrisent assez bien. Donc, on a plusieurs souches possibles et donc les scientifiques vont avoir un vaccin qui va être efficace contre des souches qui ne seront peut-être pas les mêmes souches qu'on va rencontrer dans la vie de tous les jours quand il y aura l'épidémie de grippe qui va se déclarer. Donc du coup, quand on regarde l'efficacité de la grippe, on est beaucoup plus bas que d'autres vaccins. On doit être, c'est entre 30% et 70%. Et quand on parle d'efficacité du vaccin contre la grippe, c'est pas forcément l'idée qu'on a quand on parle d'un vaccin normalement, du genre tu te vaccines contre la grippe et t'as pas la grippe. C'est pas tout à fait ça. C'est plus compliqué encore. Quand on parle d'efficacité là, c'est surtout est-ce que il va y avoir des complications suite à la grippe. Est-ce qu'il va y avoir des complications ? Est-ce que vous allez aller à l'hôpital ? Est-ce que la grippe va déclencher une autre maladie ou des choses comme ça ? Donc, la notion même d'efficacité pour le vaccin contre la grippe varie. Donc, suivant les études, suivant la période où a été faite l'étude, si une année, la prédiction des scientifiques était bonne, le vaccin va être très efficace. Si une année, la prédiction était moins bonne, le vaccin va être moins efficace. Si un tel chercheur met quelque chose de différent derrière le terme efficacité, il va trouver une efficacité peut-être plus grande. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Vraiment, le vaccin contre la grippe, c'est le vaccin le plus complexe que nous avons. D'accord. Donc, de ce que je comprends, c'est un de ceux qui marchent le moins bien. Il y a un énorme taux de variation. Mais quand ça ne marche vraiment pas, il y a quand même 30% d'efficacité. Par rapport à la question de tout à l'heure, on disait qu'on avait 3 cas sur 100 000 qui posaient problème. Quand on met dans la balance, je me dis que c'est quand même remarquablement efficace par rapport aux problèmes que ça peut poser. Mais c'est aussi, je crois que ce qu'il faut insister, c'est que ce vaccin-là où je te parlais de 3 cas de narcolepsie en plus ou 7 cas en plus sur 100 000 personnes, c'est considéré comme quelque chose de dangereux qui a été retiré. Je crois que c'est important de le dire. Ouais, c'est ça, on est sur un risque très au sérieux, faible, qui nous apparaît faible, mais quand même, on l'a repéré, le vaccin a été retiré au bout de, je ne sais plus, 3-4 ans, on l'a repéré, on l'a retiré. Et ça montre quand même que les gens qui crient justement sur les ingrédients, l'aluminium, le mercure ou les choses qu'il y a dans les vaccins, et puis qui derrière disent « Oh là là, hépatite B, sclérose en plaques », enfin, on peut en reparler de tout ça, mais on l'aurait vu. Enfin, des petits risques, on les voit rapidement, finalement, 3-4 ans, les études sont là. Il y a une surveillance qui est quand même bien faite, même s'il y a des défauts et il y a des choses à changer, mais qui permet de repérer même des risques faibles et qui permet d'éliminer les vaccins qui sont potentiellement dangereux. Ouais. Tu parlais du vaccin contre l'hépatite B. Tu peux nous en parler un petit peu ? Tu pensais à quoi ? Je voudrais juste rajouter peut-être quelque chose sur le vaccin contre la grippe qui me semble assez sympa. Et après, je te parlerai de l'hépatite B. Okay. En fait, ce qui se passe en Angleterre, ils ont un vaccin contre la grippe qui est nouveau et qui se donne par injection. C'est-à-dire sans seringue, je veux dire, par inhalation. Voilà, excuse-moi, c'est le terme précis, c'est inhalation. Donc sans seringue. Donc ce qu'ils ont fait, j'ai un ami qui travaille en Angleterre dans les agences sanitaires qui travaillent sur ces thématiques. Et il a fait une modélisation du virus de la grippe et il a cherché à voir si, comment on pouvait éviter les morts dues à la grippe, parce que le vaccin, enfin je veux dire, la maladie, la grippe, elle est quand même dangereuse en France, elle tue une centaine ou un millier de personnes suivant comment on compte les morts, etc. C'est un peu pareil, c'est un peu complexe. Mais c'est quelque chose qui n'est pas rien, la grippe. Et donc, il a cherché à savoir quelle est la stratégie la plus efficace pour lutter contre la grippe en vaccinant. Est-ce que c'est, par exemple, vacciner les gens qui sont le plus à risque ? Est-ce que c'est de vacciner les gens, toute la population ? Est-ce que c'est vacciner obligatoirement toute la population ou cibler sur une certaine partie de la population ? Et ça, c'est intéressant parce que tu vas voir, la première chose à savoir, c'est que les gens qui sont plus à risque contre la grippe, c'est les personnes âgées, parce que leur système immunitaire est moins efficace et donc ils sont plus susceptibles de développer des problèmes de pneumonie ou des choses comme ça quand ils attrapent la grippe. Donc on pourrait se dire, eh ben tiens, on va vacciner les personnes âgées, tous, et ça va être très efficace, ça va les aider. Sauf que problème, on constate que, enfin bon, c'est un peu ce qui se passe, hein. Je ne dis pas le contraire, mais le problème c'est que le vaccin est d'autant moins efficace que la personne est âgée. C'est peut-être pas une relation linéaire comme celle que je viens de dire, mais en tout cas on sait qu'elle est moins efficace pour les personnes âgées que les personnes jeunes, bien portantes ou les enfants. Et donc, il s'est rendu compte par sa modélisation que quand on vaccinait les enfants de 5 à 15 ans, ça permettait de réduire la mortalité de la population générale. C'est quand même un truc étonnant et je vais expliquer pourquoi. Donc, plus précisément, il arrive à montrer que si on arrive à avoir une couverture vaccinale, la couverture vaccinale, c'est le nombre de personnes qu'on vaccine dans une population donnée. Donc, si on arrive à vacciner 50% des enfants en Angleterre, puisque son étude était faite en Angleterre, on attend à avoir une mortalité qui diminue de 50% dans l'ensemble de la population anglaise. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Tu vois, on vaccine les jeunes, les petits, là, et c'est toute la population qui en profite. Ouais, j'avoue, c'est assez contre-intuitif a priori, mais en y réfléchissant un peu, c'est pas si surprenant, finalement. Alors, il y a deux choses qui interviennent. C'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Je pense que tu voulais l'aborder aussi. Ouais. Donc, l'immunité de groupe, c'est le fait que quand on a suffisamment de personnes qui sont vaccinées, on protège ceux qui ne sont pas vaccinés. Comment ça marche ? On pourrait imaginer, je sais pas moi, le vaccin, c'est un ballon. Vous voulez marquer un but, donc rendre quelqu'un malade, et ben, si vous mettez 10 personnes devant la cage, vous allez avoir du mal à faire passer le ballon dans la cage, on va dire. Donc c'est à peu près pareil, l'immunité de groupe, c'est que si vous avez 10 personnes qui entourent une personne qui est pas vaccinée, et les 10 personnes qui sont devant sont vaccinées, ben, le virus ne va pas pouvoir traverser la barrière et passer de l'autre côté, on va dire. Et ben, c'est un peu ça, l'immunité de groupe. Et donc, ce qu'on observe, c'est que les enfants, socialement, ils sont souvent en contact des personnes âgées, ils bougent beaucoup, ils attrapent donc souvent la grippe, et puis, ils la redonnent aussi facilement à d'autres personnes, notamment les personnes âgées qui s'occupent souvent des enfants. Et donc, on constate que donc, tout ça, c'est des modèles, mais c'est en train d'être expérimenté grandeur nature, là, en Angleterre, cette année. On constate que, voilà, quand on vaccine une portion assez importante des enfants, on a un impact important bénéfique à toute la population. Donc, en ce moment, les enfants dans les écoles en Angleterre sont vaccinés avec un vaccin sans seringue, qui est vraiment génial. Moi, j'aimerais bien l'avoir en France. Hein. C'est vraiment, moi, je déteste les seringues. Donc, c'est un pchit-pchit, quoi. On inhale le vaccin et ça permet de... Par modélisation, on montre que ça permet de sauver des vies et on va voir, grandeur nature, si effectivement c'est validé expérimentalement en Angleterre. Et j'espère bien que ce vaccin par inhalation sera aussi valable en France, bientôt. Et donc, c'est toute la population anglaise qui est testée en même temps. Enfin, je veux dire, c'est tous une expérience enfants, grandeur nature. Tous les enfants de 5 à 16 ans, je crois. Waouh. Ok, bah, effectivement, ça va être super intéressant l'année prochaine, quoi. Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas exactement quand les résultats vont sortir, mais je tiendrai au courant la communauté française. Ah, c'est sympa, ça, c'est on sûr. Compte sur toi. Et donc pour l'hépatite B, c'est ce qui est marrant, c'est comme l'aluminium, c'est on a des espèces de scandales franco-français. Ça c'est un truc qui est assez c'est un red flag comme on dit en anglais, je sais pas comment on dit, c'est un espèce de drapeau rouge qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Si on a un scandale qu'en France, on se dit, bah, c'est bizarre. Je veux dire, les vaccins sont pareils dans les autres pays. Comment ça se fait que dans les autres pays, pour le vaccin contre l'hépatite B, comment ça se fait qu'on n'a pas vu de cas de sclérose en plaques suite à un vaccin d'hépatite B? Comment ça se fait qu'on l'observe qu'en France? C'est quand même étrange. Est-ce que le vaccin est différent? C'est possible. Bah, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, si on observe que les Français pas, sont différents. C'est peut-être que les Français ont un système immunitaire différent et que... Non, mais ce qui se passe souvent dans ces cas-là, c'est qu'il y a un emballement médiatique, il y a des décisions politiques. Donc, il y a une décision politique, je crois, dans les années 90, de vacciner massivement les enfants contre l'hépatite B. Et du coup, quand on vaccine de nombreuses personnes à un temps T0 donné, eh ben, il y a forcément des relations de cause à effet, des corrélations en tout cas qui vont se faire, pas de cause à effet justement, des corrélations qui vont se faire dans la tête des gens très facilement. Je vais essayer de donner un exemple de ce problème. Il y avait une étude publiée dans le Lancet. J'ai dû l'écrire quelque part ce truc, si j'arrive à le retrouver dans mes notes. Il y a Billy à côté qui rigole. Voilà, donc on fait une expérience de pensée, d'accord ? C'est pas une vraie étude, c'est une modélisation, mais on fait une expérience de pensée. Imaginons qu'on donne une bouteille d'eau particulière, on va dire une eau pétillante géniale, à 10 millions de personnes en France, un jour T0 donné. On fait une grande campagne avant, on fait de la pub partout, on dit voilà, ce jour-là, vous allez boire l'eau machin, on vous le donne, etc. Donc à T0, on donne à 10 millions de personnes une bouteille d'eau pétillante qu'ils boivent tout de suite. Eh bien, si on attend 6 semaines, on va observer 6 cas de mort subite, d'accord ? Et on va s'attendre à avoir 21 cas de Guillain-Barré. Guillain-Barré, c'est une maladie auto-immune, j'ai rapidement parlé avant. Et on va avoir 400 avortements dans le jour qui suit par million de personnes qui ont bu cette eau. Donc, quand c'est de l'eau, les gens ne vont pas se dire c'est à cause de l'eau que j'ai eu un Guillain-Barré. Quand c'est de l'eau, les gens ne vont pas se dire bon, mon avortement, c'est dû à la bouteille d'eau que j'ai bu la veille. Ils ne vont pas se dire ça. Imagine maintenant, tu fais la même chose avec des vaccins. Comme c'est quelque chose qui, moralement, ça fait un peu peur d'avoir une injection, quelque chose qu'on ne comprend pas, une seringue, on va voir le médecin, c'est quand même, parfois c'est à l'hôpital, donc ça fait peur. Bah, tout de suite, on va faire la relation de cause à effet, on va se dire « Ah, bah, c'est à cause du vaccin ». Parce que dans notre tête, ce sera un événement qui nous aura marqué. Ouais. Et donc, cette étude montre quoi ? Cette étude montre que quand on fait une campagne de vaccination, on s'attend à avoir, après cette campagne, des cas de maladies qui vont se déclencher naturellement, qui ne sont pas du tout liés à la vaccination. Et donc, ce que je disais, donc, si on donne 10 millions de bouteilles d'eau à un temps T0, vous allez avoir 6 cas de mort subite, 21 cas de Guillain-Barré dans les 6 semaines qui suivent. Donc, si tous ces cas sont médiatisés, si tous ces cas font des procès et qu'on va dans les médias, ça crée la panique. On dit « Oh là là, c'est le vaccin qui… » Voilà, je parlais de bouteille d'eau, mais vous avez bien compris la métaphore, j'espère. C'est le vaccin qui a causé ces problèmes et c'est la panique et personne ne veut plus se vacciner et puis c'est la cata totale. C'est à peu près ce qui se passe dans ces grandes campagnes. Donc, pour l'hépatite B, c'était à peu près ça. Le vaccin… Le vaccin HPV, c'est un peu du même genre. C'est qu'on a des maladies qui se déclenchent naturellement chez les gens, Guillain-Barré, narcolepsie aussi, sans rien faire, je veux dire, qui se déclenchent. On ne sait pas trop toujours pourquoi. Et donc, c'est très facile de faire une relation de cause à effet en disant « Ah, j'ai été vacciné, c'est à cause du vaccin ». Et ça, c'est un problème très grave et très difficile à combattre dans la tête des gens. Dans la communauté sceptique, on parle souvent du problème de causalité, corrélation. C'est pas parce que vous avez une corrélation qu'il y a causalité. Alors, corrélation, ça veut dire deux événements qui se suivent. A qui précède B, ça veut pas dire que A a impliqué B. C'est peut-être un peu complexe à dire quand on le dit comme ça, mais l'idée, c'est voilà, si vous avez deux éléments qui suivent, c'est pas forcément qu'ils sont corrélés. Si, par exemple, Billy éternue et que la télé s'éteint, c'est pas son éternuement qui va provoquer l'arrêt de la télé. Je serais pas si sûr dans cet exemple précis. Pardon. Laissez-moi tranquille. Sur des exemples, alors déjà il y a un merveilleux site pour plein d'exemples parlants. J'ai oublié le nom, mais qui met en fait justement plein de courbes qui corrèlent et qui explique voilà que ces données corrèlent en disant ça montre très bien que la corrélation et la causalité a pas forcément de lien. Et en particulier, il y a un chiffre assez parlant qui est il y a une forte corrélation entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel dans un pays. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Y a une étude qui a été publiée, une étude même sérieuse, qui montre qu'il y a une vraie corrélation entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel. Et je crois même qu'il montre qu'il y a un point qui est en dehors de la courbe et qui ne devrait pas être au mauvais endroit, c'est, je crois, la Suède. Et donc, je ne me gourre pas, hein, c'est bien la Suède où les prix Nobel, c'est bien suédois. Hein. Vous confirmez ? Oui, on confirme. L'article en question, excuse-moi, il fait une petite blague en disant les Suédois sont les seuls à pas être sur notre corrélation. C'est parce que, en gros, ils se favorisent au niveau des prix Nobel. Bah ouais, il y a une petite blague dans l'article qui est déjà une blague en lui-même. Et le site en question s'appelle Spurious Correlation. Il a une URL invitable, donc on le mettra dans les notes de l'émission. Et voilà, vous avez plein de corrélations qui sont en général pas des causalités. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait une corrélation entre la dépense des États-Unis en sciences, espace et technologie et la corrélation avec le suicide par pendaison et suffocation, c'est corrélé, mais ce n'est pas forcément des liens. Quoi. Ça, c'est vraiment un problème très, très complexe à expliquer aux gens et à leur permettre de comprendre corrélation et causalité, c'est deux choses différentes. Ça a l'air évident quand on le dit et quand on l'explique, mais dans la vie de tous les jours, en fait, on est toujours confronté à ce problème. Dès qu'on appuie sur quelque chose, il y a une action qui se fait, donc notre tête est aussi, notre cerveau est aussi câblé un peu pour voir des causes et conséquences, finalement. Donc, je me rappelle quand j'avais écrit un article sur l'homéopathie, là, récemment, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire en disant « Moi, j'ai donné des pilules homéopathiques à mon chien qui avait des problèmes, je ne sais plus très bien. Quand j'ai donné les pilules homéopathiques, mon chien allait mieux. Dès que j'ai arrêté les pilules pensant qu'il était guéri, mon chien était de nouveau malade. Dès que j'ai repris les pilules, mon chien allait mieux de nouveau. » Donc, pour lui, c'était une évidence absolue que l'homéopathie était efficace, du coup. Je veux dire, rien pour lui, parce qu'il a expérimenté, il l'a vécu, il a ressenti au fond de son trip, rien pour lui ne pourra le faire démordre que ces pilules homéopathiques ont été efficaces. Et ça, c'est évidemment fatal pour la communication qu'on a autour des gens, parce qu'ils expérimentent ça dans la vie de tous les jours. Donc, pour arriver à faire comprendre qu'il faut mettre des barrières scientifiques, avoir une méthodologie scientifique qui permet d'éviter justement de confondre de choses qui ne sont pas forcément liées, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Ouais. T'as évoqué un instant le HPV. Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus, c'est quoi ? Ben, donc, c'est la famille des papillovirus. Quelque chose comme ça. Papillomavirus, je crois. Papillomavirus humain. Pardon, ouais. Ouais. Donc, c'est un ensemble de virus qui sont très répandus dans la population. On est tous, si on a une vie sexuelle, ça se transmet sexuellement, hein. Si on a une vie sexuelle plus ou moins normale, en fait, on est quasiment tous confrontés à ce genre de virus dans notre vie. Donc, c'est quelque chose de très répandu. Et donc, le vaccin est assez récent. Il est là depuis 7-8 ans, je crois. Il est commercialisé depuis 7-8 ans. Donc, c'est le Gardasil qui a eu une très grosse médiatisation cette année en France. Et ce vaccin, ou plutôt la famille des HPV, de ces virus, c'est des virus qui sont potentiellement cancérigènes. Donc, on les a tous, ces virus. Il y a certaines souches qui sont très cancérigènes et le vaccin protège de ces souches. Donc, si j'ai bien compris, c'est un vaccin qui permet d'éviter les cancers. Alors, pas directement, hein, soyons précis. Ça permet d'éviter le virus ou de défendre contre le virus qui potentiellement peut être à la source d'un cancer. Donc, c'est une protection indirecte, on va dire. C'est comme pour l'hépatite B, d'ailleurs. L'hépatite B, quand il s'installe de manière chronique, on peut avoir des problèmes de foie qui peuvent se développer en un cancer du foie. Et donc, le vaccin contre l'hépatite B, indirectement, protège contre les cancers du foie. Et ben, le HPV, c'est ça. Donc, quel genre de cancer, vu que c'est des choses donc, liées à la sexualité, donc c'est cancer du col de l'utérus, principalement pour les femmes. C'est pour ça qu'il est préconisé en France. Après, je crois que certaines études montrent aussi que ces virus, cette famille de virus, peuvent avoir des impacts aussi sur le cancer de la gorge. notamment avec tout ce qui est cunnilingus, fellation, enfin, en tout cas des activités orales sexuelles. Donc, potentiellement très utile comme vaccin. Le problème, c'est que c'est très complexe, le HPV. Déjà, le vaccin est assez récent. Donc, pour savoir si il va permettre vraiment de nous protéger des cancers de ces de la famille HPV là, il va falloir attendre longtemps. C'est-à-dire qu'il faut les cancers se déclarent au bout de 10-20 ans, donc il faudra attendre encore un peu pour être certain que les cancers ne diminuent grâce à cette vaccination. Mais on sait dès à présent que ça permet de diminuer ce qu'on appelle les liaisons précancéreuses. Je crois que le nom porte bien son nom. Donc, en toute logique, si on fait confiance un petit peu à la science et aux mécanismes scientifiques, s'il y a moins de lésions précancéreuses, si on évite les lésions précancéreuses, il est fort probable qu'on va constater dans quelques années une diminution des cancers liés au HPV. Mais tu vois, ce point-là, les groupes anti-vaccination, pour les prendre vraiment au sens large, parce qu'il y a des gens qui sont contre le vaccin HPV qui ne sont pas anti-vaccins, donc il ne faudrait pas qui s'énerve quand je dis ça, mais au sens très large, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah bah oui, l'efficacité n'est pas prouvée parce qu'on n'a pas encore vu que ça allait diminuer le taux de cancer dû au HPV. » Mais ça ne saurait tarder, en fait. Comme je disais, on le voit, l'efficacité sur les lésions précancéreuses. Donc, il y a d'autres choses sur le HPV, parce que c'est vraiment un cas un peu délicat. Il y a ce qu'on appelle les frottis, donc pour les femmes... Tous les deux ans, on préconise de faire un frottis du vagin. Le frottis est très efficace pour déterminer les liaisons précancéreuses, justement. Ceux qui sont prévenus normalement par le vaccin, si vous m'avez bien suivi. Mm-hmm. Par les frottis, on peut voir ces liaisons précancéreuses. Et si on en voit, on peut suivre et soigner le cancer rapidement, et il y a une efficacité qui est assez importante par le frottis. Donc les gens disent le vaccin HPV, non, on n'en veut pas parce qu'on a le frottis et ça marche très bien. Sauf que c'est vrai que ce discours est un peu bizarre, parce que le vaccin, c'est de la prévention et le frottis, c'est du suivi. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pas parce qu'on a un outil, c'est un peu comme peut-être un peu comme les OGM, mais c'est peut-être un peu trop loin. On en parlera un autre jour, mais c'est pas parce qu'on a une solution efficace qu'on peut pas utiliser une autre solution qui est tout aussi intéressante. Voilà. Ce que je peux te dire sur le HPV. Ouais. Je précise aussi que on a pu établir des liens entre le cancer du pénis et le HPV aussi. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Je sais pas. Oui, je veux bien te suivre là-dessus. Ouais. Ouais. Donc effectivement, on a. Moi, je trouve juste fou quoi qu'on ait un outil, une technologie à disposition qui permette d'éradiquer ce truc-là et puis qu'on. Ouais, alors il y a des choses. Par exemple, le vaccin est très très cher. Ça, c'est un problème. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il coûte, je sais plus. Ça devait être 100 euros la dose. Je crois que c'est beaucoup plus cher que ça. Ouais. Je suis pas sûr. Je crois que c'est à peu près ça. Et okay. Comme il y a 3 doses, ça monte très vite, tu vois. Ah oui. D'accord. Voilà. Mmh. Je crois que c'est la différence, c'est peut-être là. Mais... les gens disent, par exemple, le cancer du col de l'utérus en France, c'est, je sais plus, c'est, oh, je vais pas dire une connerie, il faudrait regarder les chiffres exactement, mais les données exactement, mais c'est par milliers en tout cas. Donc les gens disent, bon, ben, c'est pas grave, c'est pas tant que ça finalement. Et puis, si on fait du frottis, comme on fait, si on augmente en tout cas le nombre de femmes qui font un frottis régulièrement, on va permettre de diminuer ce nombre de morts. Mais c'est vrai que c'est un genre de discours qui, moi, me semble un peu bizarre, puisqu'on a un outil de prévention. Le frottis, il y a des risques aussi de faux positifs, donc c'est-à-dire qu'on repère, on fait un traitement contre le cancer alors que la personne ne développe pas le cancer. Donc, on parle beaucoup des problèmes, par exemple, de dépistage massif, des choses comme ça. Eh ben, c'est un des problèmes qu'il y a avec le frottis, tu vois. Et avec le vaccin, s'il est suffisamment administré suffisamment tôt, donc avant les activités sexuelles de la personne en question, on sait déjà qu'il y a une grande efficacité. On a des études depuis 7 ans, là, des études sur des millions de personnes qui commencent à arriver et qui montrent quand même une efficacité même un peu supérieure à celle qu'on attendait au départ même. Il y a beaucoup d'éléments qui arrivent qui renforcent notre idée de base, qui est que ce vaccin est utile, tu vois, et qu'il faut la promouvoir. Mais on arrive aussi avec ce vaccin, et surtout comme il est très cher, à cette idée que tu voulais peut-être aussi développer à un moment donné, des groupes pharmaceutiques qui cherchent à se faire du fric à tout va. On y viendra. Ouais, on y viendra après. je voulais qu'on revienne une seconde sur l'immunité de groupe, cette notion dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Parce qu'en fait, ça revient à dire que présenter le vaccin comme un choix individuel, c'est un non-sens total. Oui, c'est ça. Oui, oui. Je crois que c'est important dans une société où on est très basé sur l'individuel et dans une société aussi où il y a beaucoup de gens qui refusent des vaccins qui sont, on va dire, de gauche ou apparentés à des mouvements écologistes ou des choses comme ça. Ce n'est pas les seuls, évidemment, qui ont un peu peur des vaccins, mais il y a quand même beaucoup de gens dans cette mouvance-là qui ont une certaine peur des vaccins parce que ça leur semble pas naturel ou ça ressemble chimique, on va dire. Ce terme chimique fait très peur, alors que tout est chimique, mais enfin, passons. Là, on a vraiment un exemple. Et c'est pour ça que je t'ai exposé le cas de l'Angleterre. Là. Tu vois, on est en train de vacciner des enfants pour sauver des personnes âgées. C'est quand même extraordinaire. Ouais, j'avoue. J'avais écrit un article en disant si vous voulez sauver des vies, vaccinez-vous. Mais c'est vraiment ça. C'est que quand vous vous vaccinez, vous protégez ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner et qui sont certainement plus à risque de développer une maladie qui va avoir des complications. Et ça, c'est vrai. Je crois que c'est une idée qu'il faudrait propager beaucoup plus, qu'il faudrait montrer aux gens pour qu'ils prennent conscience que c'est finalement une question de solidarité. Et surtout tous mes amis qui sont un peu qui ont des idées un peu de gauche, enfin cette notion de solidarité, je crois que c'est quelque chose qu'on partage tous, tu veux. Et si on défend pas cette idée que collectivement on peut protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger, alors qui sont les gens qui ne peuvent pas se faire protéger? Par exemple, c'est des gens qui ont un système immunitaire déficient, des gens par exemple qui ont le sida ou des choses comme ça, ou des problèmes génétiques qui font qu'ils sont immunodéficients. Mais voilà, ça, je crois que c'est vraiment une idée à propager plus et à défendre, parce que c'est pas qu'une question de choix personnel, la vaccination. Ouais. Et puis à l'époque où on est connecté en permanence avec le reste de la planète, où on prend des avions comme on prenait le taxi autrefois, on peut créer des dégâts à l'autre bout de la planète sans le faire exprès, quoi. Bah écoute, tu tombes bien, tu vois, parce que le CDC a fourni un rapport il y a, je sais plus, une ou deux semaines. Le CDC, c'est l'agence sanitaire aux États-Unis, parce qu'il y a une recrudescence de la rougeole aux États-Unis qui était éradiquée là-bas, en tout cas où il n'y avait pas de sur les territoires même, il n'y avait pas de cas nouveaux qui se produisaient. Les cas nouveaux, c'était des cas importés. C'est ce qu'on appelle une éradication dans un pays depuis 2000, je crois, ou quelque chose comme ça, ou peut-être même avant ça, je ne sais plus. Et donc là, on a tout d'un coup une recrudescence, une vraie épidémie qui est partie aux États-Unis. Et ça, c'est dû à des gens qui revenaient de Philippines, des gens non vaccinés, qui ont attrapé la rougeole, qui sont revenus de Philippines et qui ont donné la maladie autour d'eux et propager cette maladie. Parce qu'il y a aussi, je ne l'ai pas dit, il y a aussi une épidémie de rougeole aux Philippines. Et donc là, par exemple, pour te donner une idée, alors c'est des chiffres faibles, hein, c'est des données faibles. Tu vois, tu as 300 cas. Sur 300 cas, là, c'était il y a deux semaines, les données que je te donne là. 300 cas de rougeole, on avait 200 cas de personnes qui n'étaient pas vaccinées. 60, on ne connaissait pas leur historique de vaccination. Parmi les 200 qui n'étaient pas vaccinés, il y en avait 10 qui étaient trop jeunes. Et puis les autres, c'était philosophiquement, ils refusaient la vaccination pour des tas de raisons qu'on peut... Donc, tu te rends compte que les gens qui ne se vaccinent pas, si leur rougeole, si il n'y a pas suffisamment de personnes autour d'eux qui les protègent, les épidémies reviennent et puis... peut retrouver des cas de rougeole sur un territoire où normalement la rougeole avait disparu. Ouais. C'était le cas il y a quelque temps au Pays de Galles, aussi au Royaume-Uni. Il y a eu une épidémie entre novembre 2012 et mars 2013. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, ça montre vraiment à quel point, s'il y avait besoin de le montrer, on ne peut pas se permettre de faire joujou avec les vaccins, quoi. Les épidémies n'attendent qu'un peu de relâchement pour se manifester à nouveau. Et certains analystes, pour ce qui s'est passé au Pays de Galles, avaient mis ça en rapport avec le mouvement anti-vaccination. Donc, c'est le mouvement qui défend une idée selon laquelle le vaccin ROR, je ne sais plus ce que c'est rougeole, oreillon, rubéole, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça, oui. Ouais. Donc, une idée selon laquelle ce vaccin pourrait causer l'autisme. Tu pourrais nous parler un petit peu de cette controverse? Tu la connais, j'imagine? Oui, je la connais, oui. Ce que je peux te dire, c'est que récemment, là, il y a aussi quelques semaines, Il y a un article qui est sorti qui fait une méta-analyse. Après, je te raconterai l'histoire, l'historique de ce problème avec l'autisme. Et une méta-analyse qui est sortie. Donc, c'est quoi une méta-analyse? C'est une publication scientifique qui regarde l'ensemble des publications scientifiques sur un sujet donné. D'accord, d'où le terme méta. On fait une analyse de tout ce qui existe. Donc, dans cette méta-analyse, au final, on a 1,3 million d'enfants qui sont analysés. Et cette étude regarde s'il y a un lien, il y a une corrélation entre autisme, vaccin, autisme ROR, le vaccin ROR, autisme mercure, autisme je ne sais plus quoi. Enfin, ils analysent 4-5 idées très, très souvent défendues par les mouvements anti-vaccination. Et là, il n'y a aucune relation de cause à effet entre les deux. Et je crois que, tu vois, on avait déjà des articles qui... déjà très important si tu veux, mais celui-là, c'est, je crois que c'est vraiment la bombe nucléaire si tu veux, ouais, ouais. Qui vraiment annule toute possibilité des mouvements anti-vaccination pour défendre l'idée qu'il y a un lien entre autisme et vaccination. D'accord, donc on est clair une fois pour toutes, il n'y a aucun lien. C'est vraiment le... Oui, c'est une bombe nucléaire, je crois. Ouais. Le terme, je pense. Ok, merveilleux. C'est vraiment ça. Mais cette idée, elle sortait d'où au départ? Donc, ouais. C'est à la fin des années 90, un article est paru dans une publication, dans un journal à comité de lecture, qui est dans un journal scientifique très réputé qui s'appelle The Lancet, si je ne me cours pas. Et donc, l'auteur principal, c'était Wakefield, qui est devenu, après ça, très connu et souvent mis en avant par le mouvement anti-vaccination. Donc, c'est un scientifique anglais qui avait prétendu, surtout en conférence de presse, qu'il y avait un lien entre la vaccination contre la rougeole et puis l'autisme. Et très rapidement, il y a eu des démentis scientifiques. Enfin, il y a eu une analyse de l'article en disant qu'il y avait des problèmes déjà d'analyse dans l'article. Il y avait des problèmes scientifiques dans l'article. Et après, très vite même, ça allait plus loin puisqu'on a trouvé des conflits d'intérêts. On a trouvé que Wakefield avait été payé par un cabinet d'avocats qui embauchait justement des gens qui voulaient mettre en avant ce problème d'autisme suite à des vaccinations. Enfin... ça a fait un tel scandale après dans le milieu scientifique, hein, je parle pas du milieu des médias, ça a fait un tel scandale que finalement l'article a été retiré. Ça arrive dans l'histoire des sciences. Et c'est un truc extrêmement sérieux quand même qu'un article soit retiré d'une publication scientifique. C'est un truc extrêmement sérieux, ça arrive dans l'histoire des sciences, mais là non seulement donc ces résultats n'ont pas été confirmés par la suite, mais en plus on a trouvé des conflits d'intérêts, des problèmes très graves qui ont fait que Wakefield a perdu sa licence de médecin en Angleterre. Enfin, ça allait très loin pour lui. Ça montre que le personnage était quand même assez douteux. Il y a 10 auteurs de l'étude qui ont comporté 12 à la base qui se sont déniés de Wakefield en disant « Non, on ne soutient pas ce qui a été fait, on s'est trompé, ma culpa, etc. » Donc, tu vois tout le truc. Ouais. Mais par contre, ça, c'est dans le milieu scientifique. Par contre, dans le milieu médiatique, ça n'a pas du tout été comme ça. Dans le milieu médiatique, il y a eu des gros titres, vaccin, rougeole, autisme. Depuis 10 ans, ça ne cesse de continuer ce lien entre autisme et vaccin parce que l'incidence de l'autisme ne cesse d'augmenter depuis une dizaine d'années. On pourra parler des raisons de cela, mais... Et donc, pour les gens, c'est devenu un peu le martyr, en plus, puisqu'il a été un peu banni de la communauté scientifique, on va dire. Donc, il est devenu un peu un martyr. Il a été très mis en avant, très médiatisé. Et à chaque fois, le problème des médias, c'est quoi? C'est cette notion aussi du juste milieu. Donc, quand on va aborder un problème donné, par exemple la vaccination, on va... inviter quelqu'un qui va défendre la vaccination et de l'autre côté, on va inviter quelqu'un qui va être anti-vaccination. Alors que d'un côté, on a quelqu'un où il y a toute une littérature scientifique qui va peser 10 tonnes, on va dire. De l'autre côté, on a une feuille de papier publiée dans Marie Claire. Mais pourtant, ils vont avoir le même temps de parole et donner un semblant de démocratie ou d'équilibre qui ne devrait pas avoir lieu. Heureusement, un podcast science, on ne fait pas ça. C'est vrai. Et... ces mouvements, on s'en rend peut-être pas compte hein, ici en France, en Suisse, mais quiconque suit un petit peu l'actualité dans les pays anglophones, ces mouvements sont extrêmement virulents. Et en Australie d'ailleurs, ils ont poussé le vice jusqu'à se faire appeler le réseau australien de vaccination, alors qu'en fait c'était des anti-vaccinations. Bon, la justice vient de leur régler leur compte et puis maintenant ils n'ont plus le droit d'utiliser cette appellation trompeuse. Mais ça montre quand même à quel point ils reculent devant rien, quoi. Ils sont prêts à taper en dessous de la ceinture pour faire passer leur message. Tu peux nous en parler un petit peu de ce mouvement ? Nous parler peut-être de Jenny McCarthy aussi ? Alors, le mouvement australien, je ne connais pas très bien, mais je sais que ce n'est pas les seuls à avoir des noms qui prêtent à confusion. Il y en a plein de mouvements en Europe aussi, en France, en Belgique, qui ont des noms qui sont... on a l'impression infovigilance vaccin ou je sais pas, on a l'impression que c'est quelque chose d'officiel. Ah ouais, on a l'impression ouais. que c'est quelque chose qui est là pour défendre ou en tout cas adoubé par les gouvernements et qui est installé pour cela, et ça c'est vrai que c'est une des tactiques pour s'imposer dans les médias et sur la toile, on va dire. Le mouvement aux États-Unis a eu une certaine popularité puisqu'il y a effectivement Jenny McCarthy qui a été une espèce de porte-parole. Il y avait beaucoup, en fait, beaucoup de gens, d'acteurs ou de gens très connus qui ont prêté leur voix à des discours anti-vaccination. Donc Jenny McCarthy, je crois, a eu un enfant qui a eu l'autisme et là a prétendu que c'était à cause du vaccin. Donc il y a eu toute une médiatisation qui a été faite à ce sujet. Autre exemple, ici en France, par exemple, alors, bon, c'est pareil, hein, le mouvement anti-vaccination est très large et certains ne se disent pas forcément anti-vaccin, mais dans leur discours, c'est difficile à vraiment faire la part des choses, ou pas toujours très clair. Par exemple, ceux qui militent, l'association qui milite en France pour la sclérose en plaques et qui mettent en cause l'aluminium, ils ne se disent pas contre les vaccins, mais quand même, quand on lit leurs discours, leurs pétitions, les choses comme ça, c'est quand même un discours qui n'est pas très clair. Pareil, le mouvement là, contre le HPV, c'est parti d'une fille qui a été malade suite à la vaccination du HPV. Enfin, c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Et puis, c'est Marie-Océane et c'est devenu l'association Marie-Océane, je crois, si je me gourre pas. C'est pareil, ils ne se disent pas anti-vaccin, mais ils sont contre le vaccin HPV spécifiquement. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de nébuleuse. Et puis, on trouve un peu de tout, des gens vraiment complètement fanatiques, des gens qui sont sur une niche particulière, des gens qui rejettent un point particulier. Par exemple, Jenny McCarthy, là, récemment, a dit « Je ne suis pas contre les vaccins, mais il faudrait faire des vaccins qui sont sûrs. Je veux bien me faire vacciner si les vaccins sont sûrs. » Alors, ce qui fait rigoler tout le monde, parce que, évidemment, les vaccins sont sûrs depuis des dizaines d'années. Mais c'était un peu son coming out pour elle. Tu vois, ça a fait la une des médias par rapport au discours qu'elle avait avant. C'était quelque chose d'assez extraordinaire qu'elle dise un truc comme ça. Ce qui était assez drôle, du coup. Oui, je ne sais pas, sur les mouvements anti-vaccins, ce qui est peut-être plus intéressant au-delà de qui, et quoi et comment, ouais. C'est plutôt quels sont les mécanismes, comment ils arrivent à gagner, à avoir une crédibilité auprès de la population. Tu vois, mm-hmm. C'est ça qui est intéressant. Et on peut l'expliquer. Et ça, c'est des. Déjà. On pourrait reprendre des arguments développés par le sociologue Gérald Bronner. Il analyse très bien tout ça. Je reviendrai peut-être là-dessus, mais plus précisément sur les arguments développés par les anti-vaccins, sur les méthodes employées, hein, pas forcément ce qu'ils disent, mais comment ils le font. Eh ben, on constatera très souvent, ils s'appuient sur des données scientifiques. Et donc, ça donne une apparence de crédibilité. Ouais, c'est ça. Ils sont obligés d'être crédibles. Donc, ils vont s'appuyer sur des données scientifiques. Alors, tu vas me dire, si c'est des données scientifiques, c'est validé. C'est dans leur étude quoi, ils ont raison. Ça dépend peut-être un petit peu du contexte et de quelles données scientifiques. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est vrai que les gens, comme la plupart, enfin, je veux dire, dans la société, les gens normaux, on va dire, qui ne sont pas forcément très au fait de comment fonctionne la science, on a une image de la science. Si un scientifique parle, c'est que c'est la vérité. Il y a une image un peu comme ça. Mm-hmm. Il y a l'argument d'autorité qui est très forte. Mm-hmm. Quand quelqu'un discute, s'il a une blouse blanche, on va dire « Ah, il sait de quoi il parle. » Moi, je parle des vaccins, alors que je ne suis pas expert dans les vaccins, on va me dire « C'est qui serait rigolo qui parle. » Parce que je n'ai pas cette carte de crédit qui est cet argument d'autorité qui est là pour dire « Attention, moi, je suis médecin, machin. » Mais ça marche pas comme ça en science. C'est pas parce qu'on a, c'est pas parce qu'on est médecin ou parce qu'on est un grand chirurgien ou même pas qu'on soit un expert en vaccin, parce que ça existe. Enfin, je veux dire des gens qui travaillent dans le domaine. Ça suffit pas. C'est bien, c'est mieux. Ça donne une crédibilité, c'est mieux. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut une validation collective. C'est ça qui est important en science. Et c'est ça que les gens ont souvent du mal à comprendre. Il faut une validation collective de quelque chose pour qu'elle devienne partie de, on va dire, une certaine forme de vérité. On rigolait sur qu'est-ce que la vérité en introduction de podcast science, mais bon, on va dire une certaine forme qui se rapproche d'une certaine vérité, en tout cas partagée par un ensemble de gens, pour éviter de rentrer dans les problèmes trop philosophiques. Et donc, qu'est-ce qu'ils font donc, les anti-vaccins? Ils font ce qu'on appelle du cherry picking. Alors, cherry picking, t'imagines, c'est de l'anglais, hein, t'imagines un bol de cerises devant toi, et puis tu vas prendre que les plus belles cerises, et tu vas dire, tiens, je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Et tu ne vas pas prendre tout le bol. Alors, eux, ils ne prennent pas les plus belles cerises, en fait, ils prennent les plus moches. Donc, ils prennent les études qui sont les moins bien faites, si tu veux, pour continuer l'image des cerises. Donc, ils vont prendre les études qui ont des biais, les études qui n'ont jamais été confirmées par la littérature, ou les auteurs ont été totalement discrédités, comme Wakefield, par exemple. Et donc, ils vont mettre ça en avant en disant, vous voyez, dans l'étude, machin, il a été dit que, sauf qu'il y en a 46 qui ont été publiés depuis, qui ont montré que l'étude machin n'était pas valide. Et ça, bah, si on n'est pas un petit peu au fait de ce discours, de ce genre de discours, de ce genre de technique, on se fait très vite avoir. Mmh. Donc moi, je sais, par exemple, la fois où j'avais envoyé un article sur la vaccination, j'avais eu droit à une association qui m'avait pondu une page de commentaires en 10 minutes sur mon blog. Et je me suis dit, mais waouh, où est-ce qu'ils ont sorti tout ça, tu vois? Comment ils ont fait pour écrire si vite, etc. Bah, en fait, ce qu'ils font, comme ils n'ont pas beaucoup d'arguments, c'est très simple. Il suffit de faire des copier-coller tous les arguments, puisqu'ils n'en ont qu'une dizaine. Les liens, c'est toujours les mêmes, avec les mêmes fautes qui se retrouvent, les fautes d'orthographe qui se retrouvent partout. Je suis un peu méchant, mais j'ai déjà un peu constaté des trucs comme ça. Ouais. Et donc, ils font des copier-coller. Comme ils sont complètement une motivation extrême sur le sujet, parce qu'ils sont vraiment des gens qui, c'est leur vie, on va dire, et ils vont tout de suite donner une impression de sérieux, parce qu'il va y avoir plein de liens dans leur discours, il va y avoir plein de ils vont même parfois citer des rapports scientifiques de gouvernement ou des choses comme ça. Et ça, c'est très drôle, parce que, enfin, c'est pas drôle, mais je veux dire, c'est très intéressant, parce que quand on regarde souvent, soit donc les articles sont complètement discrétisés, soit les citations sont tronquées. Donc ça m'est déjà arrivé, des groupes qui citaient une agence gouvernementale qui rejetterait, je ne sais plus, je crois que c'était l'aluminium. Et puis quand je regardais exactement ce qui était écrit, non, ce n'était pas l'aluminium, c'était le mercure. Et quand je regardais exactement ce qui était écrit, ça disait exactement l'inverse. Si tu veux, ils avaient pris un petit bout de phrase quelque part qui collait à peu près à ce qu'ils disaient, mais l'ensemble de l'argumentation du rapport en question, c'était le mercure qu'on retrouve dans le vaccin est absolument sans danger. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Donc ça, le cherry picking, tu vois, de citer des extraits de rapports, mais en ne citant pas le contexte ou pas, en ne donnant pas l'ensemble des éléments. Mmh. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle, en termes un peu techniques, le biais cognitif. C'est-à-dire, on va chercher, c'est pas ce que je voulais dire. Ça fait partie de ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui est un biais cognitif. Voilà. C'est ça. Donc, je vais expliquer exactement ce que je veux dire par là. Le biais de confirmation, c'est cette volonté d'aller chercher tout ce qui va conforter une idée donnée sur un sujet donné. Donc, moi, par exemple, si je suis si je pense que l'homme n'a pas marché sur la Lune, je vais éviter d'aller sur les sites de la NASA où il y a plein de photos de la Lune et puis des traces de pas qui sont restées et plein de choses qui sont restées. Je vais aller sur les sites qui parlent du fait que la Lune, on n'est jamais dessus, que c'est un montage fait par un réalisateur, etc. Donc, je vais lire qu'une documentation qui sera dans cette idéologie-là. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait tous. Hein. Là, je prends un exemple un peu extrême avec cette histoire de la Lune, mais je veux dire, quand on lit les journaux, on va généralement lire les journaux pour lesquels on se sent le plus proche. Voilà. Ouais, bien sûr. Lire les journaux de gauche si on est de gauche, les journaux de droite si on est de droite. On ne va pas faire l'effort de lire peut-être des journaux d'extrême droite ou je ne sais pas, ou des choses auxquelles on ne partage pas du tout les idées. Donc, on va toujours chercher à confirmer une certaine idéologie qu'on a déjà, des idées préconçues qu'on a déjà. Et donc tout ça, ouais, y a un livre qui explique très bien ces biais et puis c'est pourquoi sur Internet on trouve beaucoup plus de conneries entre guillemets que de choses justes. C'est le livre de Gerald Brunner que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle La démocratie des crédules, que j'invite les lecteurs qui connaissent pas à vraiment acheter, regarder, lire et faire partager, parce qu'il explique comment l'outil Internet a permis à la fois de démocratiser l'accès à l'information et en même temps a nuit à la qualité de l'information. C'est ce qui est, finalement, on pense toujours que plus de démocratie, c'est mieux. Alors, évidemment, plus de démocratie, c'est mieux, on est d'accord. Mais il y a aussi parfois des dangers face à cet excès de démocratie. Ça ne veut pas dire qu'il faut la réduire, hein, pas du tout. Mais il y a des dangers qu'il faut anticiper ou appréhender et permettre de contenir. Et ces dangers, un de ces dangers, c'est la possibilité sur Internet de confirmer ses croyances de manière bien plus amplifiée que ce qu'on pouvait faire avant. Avant, si on allait rechercher quelque chose, c'était dans les journaux, dans des livres, des choses comme ça. Donc, il y a une espèce de filtre qui est fait qu'on n'a pas sur Internet. Sur Internet, il n'y a pas de filtre. Tout le monde peut écrire. Le premier zozo, comme moi, peut faire un blog et puis écrire des choses dedans. Alors, est-ce que c'est juste ou c'est pas juste ? Donc, il faut avoir une certaine culture scientifique déjà pour savoir si c'est juste ou pas juste, pour savoir comment se rendre compte que l'information est valide, l'information a été validée collectivement, de manière rigoureuse, méthodologiquement et scientifiquement. Voilà, c'est des choses que les gens ne disposent pas forcément, des outils que les gens ne disposent pas forcément. Et donc, du coup, sur Internet, ils se trouvent face à une offre d'informations qui est totalement libérée. Et dans cette offre libérée, les croyants sont plus motivés que les non-croyants. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez facile à comprendre. C'est-à-dire, moi, ne croyant pas au monstre du Loch Ness, je ne vais pas aller faire un site pour expliquer par A plus B pourquoi il est impossible qu'il y ait un monstre du Loch Ness qui n'existe pas. Enfin, moi, c'est peut-être pas le bon exemple parce que je fais partie des tarés sceptiques qui justement font ça, mais la plupart des gens sains d'esprit vont pas s'amuser à aller écrire sur un truc dont ils s'en fichent complètement. Par contre, le mec qui un jour a vu quelque chose bouger dans le lac du monstre du Loch Ness et que ça a changé sa vie et qu'il est persuadé que ça existe, il va faire un site web et il va mettre 50 000 liens, 50 000 une argumentation très détaillée, parfois complexe, pour expliquer pourquoi on l'a pas encore remarqué, pourquoi il existe, etc. Et voilà, donc je pense que cet outil extraordinaire qui est Internet favorise aussi les croyances dans des fausses idées, comme par exemple. Et ça explique aussi pourquoi les mouvements anti-vaccination ont un certain crédit aujourd'hui parmi une certaine frange de la population. Et un autre problème aussi, moi, c'est mon analyse personnelle. Je pense que en France, il y a vraiment un problème de communication grand public. Vraiment, je sais pas. Enfin, à chaque fois que je cherche une information sur un truc donné, je tombe sur des sites d'agences sanitaires anglophones ou américains ou des choses comme ça. Il y a des graphiques, tu vois, c'est visuel, c'est simple. On trouve les sites facilement. Qui connaît l'ANSES aujourd'hui ? Qui connaît l'AAS, la Haute Autorité de Santé ? Qui connaît l'INSERM ou les choses comme ça ? On a plein de noms différents. Pour trouver une info, c'est très difficile. On devrait tomber tout de suite, tu vois, autisme, vaccin, on devrait avoir une communication, là, l'article dont je te parlais, 1,3 million d'enfants qui ont été méta-analysés, enfin un truc incroyable qui vient de sortir. On l'a vu où en France, tu vois, sur les agences sanitaires, on l'a vu où rien, nulle part, ou alors si on l'a vu, on ne le voit pas, tu vois, parce que la communication est mal faite. Donc ça, c'est le premier problème en France. Moi, je pense que c'est vraiment catastrophique, la communication des agences sanitaires françaises. Sans parler du fait que les multiples crises de ces agences sanitaires font que les gens ne les écoutent plus ou n'ont pas confiance. Il y a une crise de confiance terrible qui existe en France. Je ne dis pas que c'est peut-être à juste titre. Hein, tu vois, je juge pas ça. Et l'autre problème, c'est les médecins. Enfin, à un moment donné, il faut faire quelque chose sur encore une fois, je ne vais pas me mettre à dos l'ensemble de la communauté médicale qui écouterait peut-être Podcast Science, mais la manière dont les médecins communiquent sur les vaccins est hyper importante. Et je veux dire, la plupart des gens sont finalement ils sont pas anti-vaccins. La plupart des gens, la couverture vaccinale en France est quand même assez élevée. La plupart des gens vont voir le médecin, font confiance à leur médecin. Donc, Plus on aura de médecins qui auront un discours clair sur les vaccins, qui sauront les problèmes liés aux vaccins, qui expliqueront les effets indésirables, les effets positifs, les succès des vaccinations, qui auront un discours un peu clair là-dessus, avec des graphiques, tu vois, des dessins qu'on pourrait montrer aux gens pour leur expliquer, des choses que leur fourniraient les agences sanitaires, justement, en France. Eh ben, moins l'argumentation anti-vaccination aura du crédit, ça c'est évident. Quand je sais qu'il y a en France des médecins qui valident des vaccinations alors qu'ils ne sont pas vaccinés, tu vois, enfin, il y a des médecins qui tamponnent, si tu veux, des carnets de gens alors qu'ils ne font pas le vaccin. Sérieux, je ne sais pas ça. Oui, ça existe. Et c'est terrible. Enfin, tu vois, ça. Que veux-tu faire après, je veux dire, ou alors je veux pas incriminer c'est certainement des minorités, hein, c'est sûr, c'est certainement des minorités, mais c'est pareil quand on a des gens qui, j'ai déjà vu sur des documentaires, des médecins qui vont inciter leur patients à prendre des pilules homéopathiques pour se soigner quand ils partent dans des pays à risque. Je ne sais plus, là, je crois que c'était l'hépatite A, ou je ne sais plus, non, c'était une maladie qu'on peut choper par des moustiques, donc c'était des pilules homéopathiques pour se protéger des moustiques. Et donc la personne était revenue malade, parce qu'évidemment les pilules homéopathiques ne protègent de rien, donc la personne était revenue malade et avait failli mourir, tu vois, et puis il y avait un vaccin et le médecin n'avait pas voulu le vaccin. Alors c'est des cas, effectivement, c'est des cas peut-être très minoritaires, encore que j'aimerais bien avoir des données un peu là-dessus, on n'en a pas beaucoup en France, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une focalisation à mettre si on veut changer, si on veut avoir un impact sur faire de la... de l'éducation, entre guillemets, même si le terme est très mal choisi, des médecins sur certains problèmes scientifiques, sceptiques, on va dire de la communauté sceptique, relation cause à effet, les biais cognitifs, comment on valide une théorie, rien que la littérature scientifique, beaucoup de médecins, comme ça fait longtemps qu'ils sont sortis des écoles, ne suivent pas forcément la littérature scientifique, donc ils sont pas forcément au fait de toutes les choses qui sortent, et c'est pas leur boulot, et c'est normal, ils ont pas le temps non plus de s'investir là-dedans, parce que ça demande un énorme boulot. Donc il y a un lien entre les agences sanitaires et les médecins qui devrait se faire, et qui éviterait d'ailleurs aux vendeurs pharmaceutiques de venir se glisser là-dedans, parce qu'on va peut-être revenir là-dessus, mais comment s'appellent les gens qui viennent faire de la pub pour les médicaments auprès des médecins, au lieu que ça soit des gens qui viennent faire de la pub, ça pourrait être effectivement les agences sanitaires qui donnent, eux, pas une pub, mais devraient donner pour vraiment pouvoir faire des choix raisonnés. Ouais. Il est temps que les institutions scientifiques se mettent à utiliser les outils de la communication. Oui, c'est terrible. Tu vois, quand on regarde en France, qui défend la vaccination en France ? Il y a quelques journalistes scientifiques qui le défendent. Il y a deux ou trois blogs. Mais les agences sanitaires, qui va lire les agences sanitaires pour se renseigner sur la vaccination ? C'est terrible quand même. C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'ils communiquent n'importe comment en même temps. Enfin, tu ne peux pas exiger des gens qui fassent l'effort d'aller au quatrième sous-sol voir quelle a été la dernière publication sur le sujet. Il y a un moment, il faut aller là où est le public, et puis ils ne le font pas. Ben oui. Je pense que ça, c'est vraiment un gros problème. Je voulais te demander encore, en France, tu penses que c'est surtout ça, en fait, le bâton dans les roues, enfin l'entrave à la vaccination ? On n'entend pas tellement parler de ces mouvements anti-vax, hein, c'est plutôt un truc anglo-saxon. En France, plutôt les médecins réticents. Non, on entend beaucoup parler des cas médiatisés, par exemple l'hépatite B avec la sclérose en plaques, le vaccin HPV avec le Gardasil, là... On en a quand même beaucoup parlé. L'aluminium, il y a eu un rapport quand même parlementaire. Il y a eu plein de trucs l'année dernière qui ont eu sur le sujet. Donc, c'est plus médiatisé comme ça, je trouve. Ce n'est pas vraiment des mouvements anti-vaccination que des cas individuels qui font la une des médias et qui déclenchent beaucoup de remous dans la communauté médiatique, on va dire. J'ai l'impression, moi. Plus que des porte-paroles comme Jenny McCarthy ou Wakefield ou des choses comme ça dans les autres pays. Mais je t'ai coupé, excuse-moi. Non, au contraire, t'as répondu à la question. Moi, j'ai encore une question avant qu'on prenne les questions d'auditeurs, et puis elles sont nombreuses. Je me demandais si l'arrogance des laboratoires pharmacologiques qui produisent ces vaccins n'y est pas pour quelque chose aussi dans cette méfiance. Je veux dire, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on les déteste quand même. Enfin, je pense au scandale de la thalidomide, au Vioxx, au Mediator, et puis à la manière épouvantable dont ça a été géré, quoi, dont ils ont géré leur campagne de communication, pour n'en citer que quelques-uns. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces groupes ? Bah ça, c'est un problème très vaste et je crois que c'est d'abord un problème de transparence. Le secret industriel, dans certains cas, enfin même dans tous les cas à mon avis, mais ça c'est mes dérives d'extrême gauche, mais le secret industriel n'a pas lieu d'être dans certaines situations. Tu vois, quand on communique pas sur des données qu'on a sur un médicament, eh ben on met la vie de certaines personnes en danger. Donc je crois que c'est le cas du Vioxx, je crois, je sais plus, j'avais regardé parce que tu m'en avais parlé avant, où pendant 5-6 ans, il savait que c'était dangereux, mais il l'avait caché. Parce que les données n'avaient pas été publiées. Donc il y a tout un mouvement en Angleterre là qui lutte pour la transparence dans les milieux de pharmacie. Mouvement organisé par Ben Goldacre en français, que tu connais peut-être, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Bad Science, Mauvaise Science. Donc c'est un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Bad Pharma, donc Mauvaise Pharmacie, on va dire, Mauvais Trust Pharmaceutique ou quelque chose comme ça. Donc ce livre a été publié il y a 2 ans en Angleterre. J'espère qu'un jour il sera traduit en français. Je conseille aussi ce livre à tous nos auditeurs et cet auteur en particulier qui est vraiment écrit de manière très accessible pour tout le monde. Donc là-dedans, il explique vraiment quel est le problème au-delà du « ils sont méchants » ou « ils sont gentils ». Parce que la plupart du temps, la critique des trusts pharmaceutiques, c'est des vilains, ils pensent qu'au fric, etc. C'est une critique je ne dis pas qu'elle n'est pas justifiée, mais c'est pas suffisant, si tu veux. On ne peut pas juste se contenter de ça. Il y a vraiment, parce que si on se contente de ça, c'est le problème du capitalisme tout entier, et donc on arrive à des problèmes politiques, comment renverser le capitalisme, tout ça, ça nous emmènerait trop loin. Et je ne suis pas sûr que tous les éditeurs soient d'accord avec moi. Mais là, il a une analyse, Ben Goldacre, il a une analyse qui est beaucoup plus fine que ça, qui explique comment on arrive, les gens, même les gens honnêtes, arrivent à se tromper, à s'auto-tromper, à tromper tout le monde sur un thème donné. Et donc, il prend des exemples, je n'ai pas fini le livre encore, mais il prend des exemples sur le problème de... sa bataille, c'est le problème des études qui ne sont pas publiées. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais en fait, c'est très simple. On a envie de sortir un nouveau médicament. Ça coûte très cher de sortir un nouveau médicament et ça prend beaucoup de temps. Donc, on commence des études cliniques pour voir si les médicaments sont plus efficaces qu'un placebo, on va dire un truc comme ça. Et puis, on se rend compte que le médicament, ça ne marche pas. Donc, on ne va pas le publier parce que c'est un résultat négatif. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons pour qu'on ne le publie pas. Il peut y avoir la raison, l'auteur scientifique estime que c'est un résultat négatif. C'est comme si moi, je publie un théorème qui était faux. Ben non, je ne sais rien. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais dans l'esprit, on va dire. Donc, il va dire, bon, ben, j'ai un résultat négatif, ce n'est pas la peine que je le publie. Le problème, c'est que quelqu'un d'autre va peut-être refaire la même expérience, ne sachant pas que moi, je l'avais faite avant, par exemple. Et donc, il va peut-être de nouveau trouver un résultat négatif. Et peut-être une troisième personne va recommencer, sachant que cette personne ne saura pas que 2 autres personnes avaient essayé aussi. Et ainsi de suite. Et peut-être un jour, une personne va avoir un résultat positif. Donc, il va publier son résultat. Alors que derrière lui, il y a eu 10 autres études qui ont été négatives, mais elles n'ont jamais été publiées. Donc, dans la littérature, on va se retrouver quoi ? On va se retrouver avec une étude qui va dire « Ah, bah, ce médicament est super efficace ». Derrière, il y aurait 10 autres études qui auront montré qu'elles n'ont pas été efficaces ou dangereuses ou qu'il y avait des effets indésirables, des choses comme ça, qui n'auront pas été publiées et les gens ne le sauront pas. Donc, le médicament risque d'être validé, utilisé, et puis scandale, 4-5 ans après, on va se rendre compte que ça a créé plein de problèmes, etc., etc. Et ça, c'est des choses qui arrivent aujourd'hui encore, tu vois. C'est un véritable problème. Donc, il y a des solutions qui ont été mises en avant, mais qui persistent. La solution, c'est par exemple, c'est dès qu'on commence une expérience de type une étude clinique de type que je parlais, eh ben, on déclare cette expérience sur une base de données. Comme ça, il y a une trace, même si elle n'est pas réussie, il y a une trace quelque part, on sait que ça a été exécuté. Alors ça paraît, on dit bah pourquoi on le fait pas et pourquoi ça n'a pas marché. Malheureusement, ça paraît simple comme idée, mais pour l'instant, ça c'est toujours pas tout à fait mis en place. Il y a des choses qui ont été mises en place, mais elles sont mises en place et elles sont pas utilisées, soit c'est pas mis en place, soit les gens l'utilisent pas parce qu'ils ne savent pas, enfin etc. Finalement, le problème est toujours présent. Je sais pas si j'ai été clair. Voilà, il faut avoir toutes les données sur un sujet donné, toutes les données expérimentales sur un problème donné pour pouvoir prendre une décision valide. Et juste pour peut-être préciser un détail qui peut paraître bizarre, comment ça se fait qu'un médicament, quand je fais une fois, ça va échouer, et je le fais une autre fois, ça va réussir. C'est peut-être pas évident pour tout le monde. Je veux dire, si c'est pas efficace, c'est pas efficace. Je veux dire, pourquoi au bout de 10 fois, ça va être efficace? Ça a pas de sens peut-être pour certaines personnes. Il se trouve que quand on fait des études cliniques, c'est pas j'appuie sur le bouton et puis ça marche. Enfin, c'est tout le problème de la médecine. C'est les relations, l'efficacité de quelque chose est toujours difficile à mettre en évidence. Donc, on sait que, par exemple, si on répète une expérience un nombre suffisamment de fois, on peut parfois avoir des résultats positifs. Dans l'ensemble, le résultat sera négatif, mais parfois, le résultat sera positif. Par exemple, l'homéopathie, puisque j'ai une dent contre l'homéopathie depuis ce début de podcast science, pardon pour nos amis homéopathes. Donc, l'homéopathie, si on regarde toute la littérature donnée sur l'homéopathie, ou l'acupuncture, c'est pareil d'ailleurs, on va trouver des études qui vont montrer que l'homéopathie est plus efficace qu'un placebo. Mais dans l'ensemble de la littérature qui a été, de l'ensemble des expériences qui ont été faites sur le sujet, cette efficacité, elle est zéro, elle est nulle. Tu vois, Alan ? Ouais, je vois. J'étais un peu perturbé par nos amis homéopathes. Enfin, en général, ils sont plus tellement nos copains depuis un moment. Non, oui, c'est vrai que oui. Je crois pas qu'on ait beaucoup d'homéopathes parmi nos auditeurs. Mais tout le monde est bienvenu, bien sûr. Un petit peu ironique. Ouais. Mais je veux dire, il y a des gens très bien qui sont homéopathes, et j'ai des amis qui prennent. Mais oui, bien sûr, je leur en veux pas et je comprends bien très bien. Et il y a des gens très intelligents qui font des choses bizarres, moi y compris. Et après, c'est le problème politique, le problème social. Socialement, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où l'homéopathie devient un problème. Individuellement, etc. Mais socialement, quand on a une responsabilité, par rapport aux autres, là, ça devient problématique. Et là, ça devient plus une guerre, on va dire, pour être bien clair. Yep. On a environ 1 million de questions d'auditeurs. Alors, je te propose qu'on essaie de les passer un peu rapidement, si ça te va. Oui, vas-y, ouais. Bon, d'abord, un auditeur un peu jugé parti, à un moment dans la chatroom, Georges Mackey, que tu connais bien. Hein, oui, ouais, je connais. Ouais. Nous parlait de la désactivation des virus. Avant vaccination. Puis en fait, moi, je me posais la question, ça veut dire quoi un virus désactivé? Toi, tu saurais répondre? Oui. Donc, par exemple, un virus a une certaine forme. Imaginons des Lego, tu vois, t'as une certaine forme. Et en fait, tu peux enlever des bouts de Lego là-dedans, tu vois. Tu peux casser le Lego en briques. Et ben, une forme de virus désactivé, c'est des bouts de briques de ce virus. Et on sait que les bouts de briques du virus sont suffisants pour déclencher une réaction immunitaire qui va permettre au système immunitaire de se défendre contre le vrai virus. Après, désactiver, par exemple, le formaldéhyde dont on parlait, c'est quelque chose qui permet de tuer les virus. Alors, tuer un virus, là, pour le coup, c'est peut-être pas le bon terme, mais je sais qu'on utilise le formaldéhyde pour ça, c'est pour désactiver le virus. Là, pour le coup, je ne sais pas exactement comment ça marche par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Donc, il y a deux formes. Il y a les virus désactivés, les virus qui sont sous forme de briques, pour faire entre guillemets. Et puis, il y a aussi des virus qu'on appelle atténués, donc c'est des vrais virus vivants. Je crois, pour pas dire de bêtises, que le vaccin rougeole, c'est le cas. J'avais noté ça quelque part. Bon, enfin, c'est pas très important. Ouais. Bon, et puis Georges nous précisait quelques minutes plus tard qu'on enlève le noyau, en fait. On garde l'extérieur qui active les capteurs. Ouais, et on vire c'est un peu mon histoire de Lego, tiens, donc ça marche. Hein. Bon, ok. On a Xeft à un moment qui nous demandait si. C'était quand tu parlais de quantité hein, par rapport à ces substances comme le mercure. Il demandait des perturbateurs endocriniens dans les vaccins. Oui. Parce que dans ce cas, les petites doses, point de suspension. Ouais. Non, mais il a raison, c'est une bonne question. Les perturbateurs endocriniens, de ce que j'en comprends, hein, les experts me pardonneront, c'est un peu des choses qui se comportent comme des hormones. Et on sait que les hormones dans le corps humain ont, à très faible dose, ont une influence, d'abord. Et en plus, ils ne suivent pas une relation linéaire. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand on augmente, par exemple, si je fume, plus je fume et plus le danger est important. Donc on a une relation linéaire entre la quantité que je fume et le danger de choper un cancer du poumon. On a une relation linéaire entre les deux. Ou pareil, l'amiante, par exemple, c'est quelque chose où on a une relation linéaire. Donc pratiquement tous les composés connus aujourd'hui suivent cette relation linéaire de dose à effet. On appelle relation de dose à effet. Plus la dose augmente, plus l'effet est grand. Ce qui paraît logique finalement. Et dans cet esprit, tout est toxique parce que à une certaine dose, tout devient toxique. Même l'eau, si je bois, je sais plus, je crois que c'est 5 litres ou 4 litres, les auditeurs me corrigeront, peut-être plus que ça d'ailleurs, on peut mourir en buvant trop d'eau, c'est possible. Après, les perturbateurs endocriniens, donc, ils se comportent comme des hormones, donc à très faible dose, ils peuvent avoir une influence conséquente. Et en plus, ils ne suivent pas cette courbe de dose à effet. C'est-à-dire, si on met plein d'hormones, on ne va pas avoir plus d'effet. On va peut-être avoir même moins d'effets, ce qui paraît un peu étrange. Et donc, ces composés perturbateurs endocriniens ont une forme en U inversée, c'est-à-dire à très faible dose, c'est-à-dire quand il n'y a rien, il n'y a pas d'effet. S'il n'y a rien, il n'y a pas d'effet. Donc, quand on met un tout petit peu, vraiment un atome, on va dire, une molécule, il commence à avoir un effet. Puis après, ça monte pour atteindre un pic. Puis après, quand on augmente la quantité d'hormones, là, ça rediminue. Donc, ça fait un U inversé, si tu vois la forme dont je parle. Mmh. Très bien. Et donc, est-ce que les vaccins, on est dans le cas des perturbateurs endocriniens ? Évidemment que non, parce que c'est des choses qui sont... on commence à vraiment bien comprendre les perturbateurs endocriniens depuis une dizaine d'années. Et si ces composés étaient des perturbateurs endocriniens, on l'aurait observé très rapidement, on l'aurait vu. Par exemple, l'aluminium qui est utilisé dans les vaccins et qui a fait beaucoup scandale en France, c'est utilisé dans tous les pays du monde depuis 50 ans. Il n'y a qu'en France où on a créé un scandale là-dessus en disant ça pose des problèmes, etc. Et où il y a eu des études françaises aussi qui ont montré qu'il y avait des problèmes, d'après ces études, hein, avec l'aluminium. Mais là-dessus, non, il faut faire attention parce que du coup, on tombe dans le piège en disant... on peut plus rien dire quasiment sur ce problème. Dès qu'on dit la dose est trop faible pour être dangereuse, on nous sort ah oui mais perturbateur endocrinien. Donc je réponds oui c'est vrai perturbateur endocrinien, mais ce n'est pas le cas des composés qui sont dans les vaccins. Ok, comme ça ne sont très pas clair. Considérés comme des perturbateurs endocriniens et ils ne présentent pas de danger aux doses. Et d'ailleurs comme je l'ai dit certaines donc pour le mercure donc dans les vaccins, on la trouve sous la forme éthylmercure. Dans l'alimentation, on la trouve sous la forme méthylmercure. On sait que la forme méthylmercure est bien plus dangereuse que éthylmercure. C'est un peu technique, pardonnez-moi. Mais... et donc, quand on mange, par exemple, une boîte de thon, on a beaucoup plus de mercure, entre guillemets, toxique que quand on se fait un vaccin qui contient de l'éthylmercure. Carrément une boîte de thon, t'es sûr de ouais, ton coup ? Oui, une boîte de thon. Ouais, ah ouais, d'accord. Je suis quasiment sûr de ce que je dis, ouais. 97%. Ah ouais, c'est épatant. On a David Loureiro sur le même sujet qui disait « Le remplacement du calcium par l'aluminium s'est fait pour des raisons économiques en France. Fusion Sanofi-Pasteur. Est-ce que l'on ne peut pas comprendre que les gens soient méfiants et pensent que d'autres choses ne pourraient pas passer qui seraient plus graves ?» Alors, raison économique, franchement, j'ai regardé ce truc. C'est pas si clair que ça. Je veux bien que okay. David m'envoie un mail ouais. ou tu vois. Ou... Qui nous citerait ses sources. Le dossier sur ce problème-là, mm-hmm. avec l'espèce de grand scandale que l'Institut Pasteur aurait changé pour l'aluminium pour des raisons de fric ou je sais pas quoi. Mais franchement, c'est pas si clair que ça. Et l'aluminium, le principal problème, c'est que. D'après le rapport de l'Académie de médecine de 2013, que je pourrais lui passer, le principal problème avec le calcium, c'est qu'on ne sait pas si c'est aussi efficace que l'aluminium. Et on ne sait pas si c'est aussi peu dangereux que l'aluminium. Et je suis désolé là-dessus. Je sais que l'association, il y a une association qui bah, ceux qui luttent justement contre l'aluminium parlent beaucoup de ce, du calcium. Mais pour l'instant, d'après ce que j'avais lu sur, sur le rapport de l'Académie de médecine, il concluait, si on change en mettant le calcium, un, on sait pas, on n'a pas la garantie que ça va être aussi efficace. Deux, on ne sait pas si ça ne va pas poser des problèmes. Donc, il faut faire des études pour être vraiment sûr que ça ne va pas poser de problème, que c'est efficace et que, tu vois, et que ça va prendre des dizaines d'années et qu'on a un truc qui marche partout dans le monde et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison d'en changer. Voilà. Donc, là-dessus, vraiment, le calcium, je ne suis pas convaincu. Et il n'y a pas que moi. Quand je dis ça, c'est, je me base sur la conclusion du rapport de l'Académie de médecine sur l'aluminium l'année dernière qui a été publié sur le sujet. Mmh. Maxence demandait... Et encore une fois, c'est un problème franco-français. Ouais. Maxence demandait quelles seraient les améliorations du système de surveillance auquel tu faisais référence tout à l'heure. C'était à 21h06 ou plutôt 22h06, je pense. Par exemple que aux États-Unis, par exemple, ils ont une base de données qui s'appelle le VAERS. Donc c'est une base de données. On en a pas parlé, mais c'est pas mal de savoir ce que c'est parce que les mouvements anti-vaccination utilisent beaucoup cette base de données pour appuyer leur discours et donner un semblant scientifique à ce qu'ils avancent. Par exemple, on lit souvent que le vaccin HPV a tué une centaine de personnes aux États-Unis. Et donc ça c'est pas vrai, mais ça c'est extrait de la base de données VAERS. Donc, qu'est-ce que c'est cette base de données ? C'est une base de données passive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que n'importe qui peut écrire, peut rapporter un problème suite à une vaccination. Donc, je ne sais pas, vous êtes évanoui après une vaccination, vous pouvez écrire un rapport et il va être publié sur le site VAERS. C'est un truc passif. Ça veut dire quoi, passif ? Ça veut dire que tout ce qui est rentré dedans, il n'y a rien qui vérifie. Donc, il y a des sceptiques américains qui sont amusés. Ils ont écrit, par exemple, sur le site VAERS que quelqu'un a été transformé en Hulk après une vaccination. Et donc, il y a une entrée dans la base de VAERS où quelqu'un... on peut le retrouver. Je pourrais mettre le lien, si vous voulez, sur la chatroom quand je l'aurai retrouvé, où on voit le mec dans la base VAERS s'est transformé en Wonder Woman ou en Hulk ou, après une suite à une vaccination. Donc, c'est pas pour dire que cette base est inutile, puisque je le cite, c'est justement pour montrer que c'est utile, mais il faut faire très attention à comment on l'utilise, évidemment. Comme c'est pas du tout validé scientifiquement ce qui est rapporté dedans, il faut faire gaffe à ce qu'on y fait dedans. Mais c'est un système très efficace parce que, comme tout le monde peut écrire dedans, tous les médecins peuvent rapporter des choses suite à des vaccinations, ça permet de tout de suite voir s'il y a des problèmes et si on a tout d'un coup une résurgence d'un problème donné sur un vaccin donné, d'être très réactif. Tu vois l'idée. Et d'aller plus loin. Donc, si on a tout d'un coup des cas de Guillain-Barré qui arrive à profusion, tout d'un coup, on regarde, c'est toujours le même vaccin, on va vérifier, est-ce que c'est vraiment une relation de cause à effet ? On a des moyens de vérifier des choses un peu plus poussées scientifiquement et donc de remonter au problème et puis d'être réactif. Et donc, c'est par exemple cette base de données, en France, elle n'existe pas. Tu vois. Et je sais qu'en France, il y a vraiment un problème de sous. On ne déclare pas assez les effets suite à des vaccinations. Je sais que c'est un des points que certaines associations mettent en avant. C'est assez. On ne prend pas toujours le temps, les médecins ne prennent pas toujours le temps de rapporter un problème. Simplement, quelqu'un s'évanouit ou quelque chose même de peut-être un peu bénin, entre guillemets. On ne va pas le rapporter parce que ce n'est pas forcément simple ou pas, ça prend du temps ou je ne sais pas. Et je pense que là, il y a des progrès à faire là-dessus. On a des outils aujourd'hui numériques qui sont là. Je pense qu'on peut s'amurer sur cette vigilance sur les effets possibles, les effets négatifs possibles des vaccins. Ok. Vu la longueur des réponses, je vais commettre un crime, je vais faire un peu de cherry picking dans les questions. je peux faire plus vite. Question suivante de Billy qui nous demande comment cette Billy. Ouais. Fais attention à ce que tu dis. Oui. Je crois qu'elle n'est pas loin. Qui demande comment on teste les vaccins, puisque l'expérimentation animale n'est pas possible, non ? Si. Mais je me demandais comment ils faisaient en fait pour expérimenter sur des animaux, puisqu'ils ne doivent pas avoir le même système immunitaire. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible sur les animaux, mais apparemment donc Billy confirme que c'est possible, donc c'est bien. Réponse à sa propre question. J'ai cherché, ils le font, mais je sais. Parce que moi, je me disais qu'il y a quand même des virus qui sont spécifiques à l'homme ou qui se développent pas. Tu sais, par exemple, que donc certains virus pour en faire des vaccins, on les fait se développer chez des animaux pour qu'ils aient une forme moins dangereuse pour l'homme, et on les réinjecte à l'homme. Donc. Mais justement, parce que là, c'est comme ça que le premier vaccin a été... Oui, exactement. On a pris la maladie chez une vache, qui est en fait la souche atténuée pour l'homme. Oui, mais oui. Ma question, c'est du coup, comment tu fais pour étudier un virus qui est néfaste à l'homme chez les animaux ? Mais apparemment, ils y arrivent, donc c'est juste que je ne sais pas comment... Bon, donc question suivante. Donc. Bravo. Question suivante de Maxence qui demande si les anti-vaccins sont nombreux ou s'ils sont juste bruyants. Tu as 10 secondes pour répondre. Ils ne sont pas nombreux, ils sont très bruyants. Parfait. Ensuite, on a de nouveau une question de la petite Billy qui demande... Ouais. Donc, comment être sûr que les vaccins qui sont responsables, que ce sont bien les vaccins qui sont responsables de la baisse des maladies et non l'amélioration des conditions d'hygiène ? Et là, tu as 20 secondes. Il y a peut-être une réponse très simple, c'est les maladies qui se transmettent sexuellement ou oralement, l'hygiène, ça ne vous servira à rien. Voilà. Donc là, par exemple, on a un exemple très simple qui permet de voir que les vaccins sont efficaces et que ce n'est pas l'hygiène qui a permis la diminution des cas observés. Donc l'hépatite B, par exemple, c'est transmission sexuelle, donc l'hygiène, ça va servir à rien. Est-ce que ça va comme réponse rapide ? C'est parfait, parfait. En plus, c'était les conseils d'hygiène sexuelle. Attends, elle veut rajouter quelque chose. Pardon. Elle a pris goût à parler. J'avais vu une nénette qui était vachement active dans le mouvement anti-vaccin en France. Bon, elle est morte depuis. Mais elle avait fait un article qui, moi, m'avait perturbée parce qu'elle faisait du cherry picking, comme tu disais tout à l'heure, sur des données en disant que, en fait, souvent, la maladie avait commencé à diminuer avant qu'il y ait le vaccin, etc. Alors, oui, je peux rajouter quelque chose, si tu veux. Excuse-moi de te couper, Billy. Ce qu'ils font souvent, les mouvements anti-vaccins, j'en ai pas parlé, mais ils parlent. Ils présentent des graphes, par exemple, de taux de mortalité, pas forcément de taux d'incidence. Alors, je vais t'expliquer la différence. Donc, le taux de mortalité, c'est le nombre de personnes qui vont mourir suite à une maladie. Et le taux d'incidence, c'est le nombre de personnes qui vont développer la maladie dans une population donnée. Est-ce que ça c'est clair ? Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, la médecine évoluant et les technologies avançant, on arrive à soigner et à empêcher les morts bien mieux qu'avant. Donc là, évidemment, l'hygiène joue un rôle, les avancées médicaux jouent un rôle. Donc la mortalité des maladies baisse au cours du XXe siècle de manière assez rapide et de manière assez importante. Par contre, les vaccins, on va voir vraiment la différence sur l'incidence. Quand on regarde les courbes d'incidence, là, grâce aux vaccins, on voit que on arrive à diminuer la mortalité, je sais pas moi, au lieu d'avoir 5000 morts, on a 1000 morts. Avec les vaccins, comme il y a moins de gens qui vont avoir la maladie, on va descendre à, 100 morts ou quelque chose comme ça. Donc, ça va vraiment jouer sur l'incidence. Donc, les mouvements anti-vaccins vont souvent vous présenter des courbes de mortalité en vous cachant les courbes d'incidence qui montrent vraiment, visuellement en tout cas, que le vaccin a une efficacité très importante. Je voulais juste du coup rajouter que exactement sur ce sujet-là, eh ben, en réponse à cette activiste, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, une note de blog qui est vraiment bien faite et qui explique justement ce truc sur le taux de mortalité, la courbe d'incidence, qui répond et qui reprend tous les graphes qu'elle utilise dans ses articles et qui la démonte complètement. Donc ça, alors, c'est le blog de Julie Boulier, qui est une très grande amie à moi, et qui a un blog que sur la vaccination, où il y a des choses vraiment très intéressantes. C'est assez souvent assez technique, mais vraiment une mine d'or. Vous pouvez la trouver en tapant rougeole épidémiologie, ou alors même Julie Boulier, vous devriez trouver par voie interposée, vous devriez arriver sur son site. Et elle doit être aussi sur l'index de mon blog, vous devez aussi trouver des liens pour aller sur son site. Voilà. Ok, merci beaucoup. On a, ça c'est juste un commentaire de David Loureiro qui nous recommande la lecture du livre de Michel Pracontal, L'imposture scientifique. Oui, oui, écoute Billy là, ici, je crois que... Ah, Billy, bon élève, merveilleux. Et puis après, bon, on avait pas mal de réflexions sur la communication scientifique en général. On va zapper. On a Pascal Bauger, notre collègue du Café des Sciences. Bonjour Pascal. Ouais, salut Pascal. Qui nous précisait que dans les groupes de mamans, on a affaire à pas mal d'anti-vax. Donc, ouais. Les forums sur le web, je pense. Oui. Bah, c'est vrai que souvent Pascal m'envoie des infos ou des forums et c'est très déprimant ce qu'on peut y lire. Mais il faut garder en tête que ça reste une minorité qui est très vocale. En parlant des bébés, il y a un nouveau vaccin là, contre. Je crois que j'ai un ami qui m'a expressément demandé d'en parler, contre le rotavirus. Donc, le rotavirus, c'est un virus qui va créer des diarrhées pour les enfants. Des vomissements, des choses comme ça, et donc ça tue quand même pas mal d'enfants, même en France, même dans les pays développés. Et donc il y a un vaccin qui existe, qui est maintenant recommandé, je crois, en France aussi. Parlez-en à votre médecin. Ok. Et puis Pascal nous a précisé en traitant dans la chatroom que c'est malheureusement pas que les forums. Ouais. Voilà. Ouais, ça va pas nous remonter le moral. Non, effectivement. Histoire de pas finir sur une note aussi pessimiste. Mais comparses, là, vous avez aussi des questions ? Vous avez quelque chose à demander à Anima ? Non, pas follement. On a eu un commentaire, c'est une manière d'ouvrir un peu, etc. Mais je pense que tu l'as pas mal présenté. C'est que, globalement, sur l'aspect général de la question vaccination, anti-vaccination, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de débat. C'était important de replacer, mais que c'est ce que tu expliquais sur corrélation, non-corrélation. Mais j'imagine que, comme toute science, il doit y avoir des nouveaux vaccins, des choses un peu expérimentales, où là, c'est peut-être un peu plus discutable sur des cas très très particuliers, non ? Ou en général, quand un vaccin est utilisé, c'est déjà hors de question les polémiques. J'essaie de faire le rapprochement avec ce qu'on peut avoir sur les OGM, hein, typiquement. Bah, écoute, je crois que le vaccin Pandemrix dont je te parlais, donc qui a été préconisé pendant la crise H1N1, c'est un bel exemple de l'efficacité, je trouve, moi, personnellement, de la vigilance sur les vaccins, même si je disais que ça pouvait s'améliorer. Mais tu vois, on avait un vaccin qui a créé des cas de narcolepsie en plus de ce qui arrive naturellement dans la population. Et donc, ce vaccin a été... l'association a été constatée assez rapidement, entre guillemets. 3-4 ans, c'est peut-être pas très rapide pour les gens, mais ça reste quand même rapide scientifiquement sur ces taux de risque qui sont quand même très faibles. Et il a été retiré. Donc, avant d'arriver sur le marché, un vaccin a besoin de passer beaucoup d'étapes. Alors, je ne les connais pas très bien, je ne pourrais pas te les expliquer tous en détail, mais il y a déjà beaucoup d'étapes pour être validé, pour entrer dans le marché. Mais même après ça, il peut y avoir des erreurs, comme dans le cas du Pandemrix, et ces erreurs sont généralement rapidement rétablies. Ouais, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de vaccin en circulation, où il y a même un début de débat possible. En tout cas, si, dans le Pandemrix, tu vois, il y a eu un débat, du coup, il y a eu une première étude qui a été pas... Ça va très vite, quoi. Oui, très vite, voilà. Très vite, ça reste de l'ordre de 5-6 ans, tu vois. Enfin... Ouais, bon, même si ça fait du coup un nombre de morts ou de problèmes qui peut être grand, mais qui finalement, à l'échelle de la vie d'un vaccin, est sans doute assez léger, quoi. Et par rapport au nombre de vivants aussi, oui, bien sûr, ce qu'il ne faut jamais oublier. Et au niveau disons juste pour les auditeurs de toujours garder en tête le rapport risque-bénéfice. Et le problème des vaccins, c'est qu'on oublie les bénéfices. C'est un vrai paradoxe qu'on retrouve dans d'autres situations. C'est-à-dire que plus les vaccins sont efficaces, et plus on oublie leurs bénéfices. Et c'est quand même scandaleusement, c'est quelque part c'est scandaleux. C'est comme ils sont efficaces, on va plus être confronté aux maladies, on va plus voir les enfants mourir ou des maladies graves qui vont affecter les gens autour de nous. Et donc on va arrêter de se faire vacciner. C'est un caprice de riche, quoi. Ouais, on peut pas présenter comme ça, mais oui, c'est vrai que c'est vraiment un problème de communication qu'il faut arriver à résoudre et passer outre. Expliquer aux gens, notamment les rappels. Par exemple, il y a plein de gens, des adultes aujourd'hui, qui font pas leur rappel parce qu'ils oublient ou parce que c'est loin ou parce que c'est comme on n'est pas malade, de toute façon, pourquoi faire les rappels? Mais il faut toujours garder en tête qu'on se vaccine pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Parce que on peut être vecteur de la maladie. Ou parce que plus simplement on perd ce truc bizarre qui s'appelle carnet de santé, qui est encore un vieux journal en papier. Oui, c'est vrai, c'est encore un truc complètement. En 21e siècle, on est encore dans une espèce de carnet. J'allais dire, ça aussi, c'est un des problèmes. Moi, c'est pour ça, en fait. À chaque fois, il y a des médecins qui m'ont demandé, j'en sais rien du tout. Alors, heureusement, j'ai des étapes dans ma vie où où j'ai fait des vaccins ou quoi que ce soit, donc ils savent situer, parce que bon, les rappels de vaccins, c'est pas non plus tous les 4 matins. Bah oui, c'est ça, oui. Mais enfin, ce truc-là, le carnet de santé, je sais même pas si ça existe, s'il existe encore, le mien. Quoi. Ouais, ouais. Alors en Suisse, je viens de découvrir un truc. Moi, maintenant, j'ai tous mes vaccins sur une app, sur mon téléphone, et je peux montrer ça à n'importe quel médecin. C'est dans le cloud, je le retrouve aussi via un site web. C'est génial. Ouais, c'est cool, c'est super cool. C'est un site web public, tu veux dire? Alors, ça a été créé par des hôpitaux. Enfin non, évidemment, j'ai un compte, il n'y a que moi qui peux le voir. Je peux choisir les médecins avec qui je veux le partager. Non, mais ce que je veux dire par public, c'est fait par l'État. Je pense, ouais. Ouais. Ah, mais nous, en France, si tu veux, ils ont lancé la carte vitale un peu avec cette idée-là, je pense. Sauf que, bien sûr, les Français en râlaient en disant « Bah non, non, on ne veut pas qu'il y ait des données personnelles sur la carte vitale. » Donc, c'était la fin de l'utilité de la carte vitale. Quoi. Ouais. Bah oui, ouais, je suis d'accord. Ouais. Du coup, je crois que c'est un ticket de caisse, la carte vitale, globalement, les informations dessus. Et puis, un numéro de sécurité. Je dis peut-être des conneries. Mais... Ouais, bon, enfin, on va pas épiloguer là-dessus. Je dis ça en mode... Ouais. Je pensais que l'interview était finie, mais on vient d'avoir une question super intéressante d'Alexandre dans la chatroom qui demande combien de temps il faut pour concevoir un vaccin. Est-ce que tu as une idée de ça? Non, je crois que ça dure 10 ans, je crois. Ou un truc 10 ans, grosso modo, d'accord. Ouais, je crois que c'est long, mais je sais pas. Non, j'ai pas vraiment d'idée, non. Ok. Si, par contre, tu peux dire, par exemple, pour les vaccins contre la grippe, le virus mute tous les ans, eh ben, on refait un vaccin tous les ans. Ouais. Donc là, ça va très vite, mais parce qu'on sait, exactement ce qu'il faut changer. Enfin, y a un mécanisme qui est bien rodé, donc ça va très vite. Ouais. Et puis sur le sida, tu te tiens au courant? Tu as une idée d'où on en est? Bah écoute, je l'ai dit tout au début, j'ai une amie qui est à la pointe de la recherche sur le sida et je sais que le vaccin du sida n'est pas en perspective pour l'instant. Et je crois que l'un des problèmes, je ne connais pas très bien, c'est justement le fait que le virus mute très très rapidement. Mmh. Et on vérifiera. Et autre chose avec le sida, on fait quand même des choses extraordinaires maintenant. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens... Il n'y a plus qu'une pilule, je crois, qu'il faut prendre une fois par jour. Ça ne veut pas dire que le sida n'est pas dangereux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger, qu'il ne faut pas mettre des préservatifs, etc. Mais je crois même que parfois, on peut éliminer le virus du sang. Donc, on peut avoir des femmes qui peuvent avoir des bébés qui n'ont pas le sida, etc. Enfin, on peut faire des choses quand même assez extraordinaires aujourd'hui. On ne meurt plus du sida. Ouais, la situation a bien changé. Il y a encore 10 ans. Mmh. Ok, voilà une note un peu plus positive. Je te propose qu'on conclue là-dessus. Très bien. Bah écoute, merci, un immense merci. C'était vraiment, vraiment super intéressant. Merci de m'avoir invité. Extrêmement ouais. Content. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? Sur Twitter, je chatte souvent, enfin, je tweete souvent en anglais. D'accord. C'est Shaman Science. Ça s'écrit comment? T'as dit ça très vite. Sham, c'est S-H-A-M. Mmh. Tout attaché, donc après AND, A-N-D, science. C'est le titre de mon blog en fait. Sham and Science. Ouais. Ouais, c'est tout attaché, le titre de mon blog, tout attaché. D'accord, à propos, On peut me trouver sur mon blog, du coup. Okay. Donc pareil, Sham and Science. Donc ça, c'est un jeu de mots, hein. Je crois qu'à un moment donné, tu m'avais demandé d'où vient ce Sham. Mais... Non, je voulais plutôt te demander si ça t'embête pas, parce que du coup, tout le monde t'appelle Sham. Ouais, ça veut dire un petit peu imposteur quand même. Oui, mais voilà, mais je crois qu'il y a quasiment, il y a peut-être 1% de la population française qui doit savoir que Sham, ça veut dire imposteur. Ah, on n'aurait pas dû le dire, désolé. Pour mes amis français. Mais effectivement, là, je pense que la plupart des gens ne savent pas que ça veut dire imposteur. Mais c'était justement un jeu de mots sur imposture et science, tu vois. Mon pseudo, Nima et la science, mais là c'était un double sens, donc Shaman Science, c'était un double sens, c'était moi et la science, et puis l'imposture en science, tu vois. C'était ça l'idée. Je vois. Il y a... qui est le sujet de mon blog, du coup. Ouais. Bon, il y a Pascal qui nous dit qu'elle a cherché dans un dictionnaire pour comprendre. Ah oui, tu vois. Donc, tu vois, tu sous-estimes la population française. Ok, donc Twitter, Shaman Science, on te trouve sur ton blog. Facebook aussi. Shaman Science. Facebook, ça doit être mon Nima Yganefar, je crois. Vous pouvez être copain. D'accord, avec moi. Mais t'as une. N'hésitez pas à être copain avec moi. Tu veux qu'on soit pote avec toi, d'accord. Ouais. Donc, t'étais à deux endroits sur Facebook, on te trouve sous ton vrai nom, et puis t'as une page pour ton blog aussi. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Ah oui, oui. Ah, oui, ma page blog, j'aime bien les likes, hein. Allez-y, hein. Likez. Voilà. Ça me fait très plaisir. Surtout que je suis plus râlé, pâquerette. Je sais plus combien de likes j'ai. Bon, donc voilà, c'est une instruction là, à toutes les personnes dans la chatroom. C'est vrai que je vais leur mettre le lien. Je suis plus actif sur Twitter. C'est vraiment, j'aime bien le format Twitter. J'aime bien ça. Je trouve que c'est un outil très fort de communication. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop. Mais... Mm-hmm. Bon, il faut juste réussir à suivre avec Twitter. C'est ça qui est compliqué, mais c'est, ouais, vrai, c'est, que vrai, ça, ouais. C'est vrai que c'est extraordinaire. Voilà, on a copié-collé le lien de ta page. Tu vas avoir plein de likes. Cool, merci. Magnifique. Écoute, merci beaucoup. On enchaîne avec le pitch de la semaine prochaine. Ouais, donc le pitch de la semaine prochaine que je viens de composer moi-même. Non, c'est bien sûr Julie qui a fait le boulot à ma place, comme d'hab. Mais c'est normal parce que la semaine prochaine, c'est un freestyle. Le temps du freestyle est déjà revenu. Et donc, c'est Julie qui est aux commandes. Et la semaine prochaine, donc, nous recevons un invité très spécial pour Podcast Science. Il nous fait rire, il nous fait rêver, il a redesigné nos avatars. Il est temps pour nous d'en apprendre un peu plus sur notre ami Pouyo. Donc, pas de quiz du mois pour cette édition, mais le retour du blog audio, du son de la semaine, une surprise de Robin, comme tout ce que fait Robin dans le podcast, et bien sûr, plein de messages de poditeurs. On vous attend nombreux dans la chatroom. Yeah, ça c'est du pitch. Merveilleux. Ouais, hâte de connaître Pouyo, qui nous a fait des dessins merveilleux dans la chatroom ce soir d'ailleurs. Il est vacciné contre les statistiques, vacciné contre l'aluminium, enfin il s'est complètement défoulé. C'est super. Du coup, on a un nouveau système pour les images dans la chatroom. Ça va se passer comment maintenant? On les retrouvera quand même dans les notes d'émission? Ça, c'est un peu mystérieux encore. D'accord. Je sais pas. On les retrouvera sans doute un peu à la main, à la mano. Et puis... Mais de toute façon, on les retrouvera, oui, dans les notes de l'émission. La question, c'est ça va être surtout à la mano pour l'instant et sans doute au fur et à mesure plus automatique. Mais là, l'idée, le but de base était que ça se charge mieux, ce qui pour l'instant est plutôt raté, vu que c'est encore une fois Pascal qui a dû le faire à la main. À chaque fois que ça arrivait. Mais bon, Pascal énervé en une semaine a recodé chez Ripic, quoi. Merveilleux. Ok, rubrique suivante, c'est la quote. Ah oui, Nima, est-ce qu'on t'a prévenu que tu dois venir avec une quote? C'est moi qui dois la dire, c'est ça? Ouais, vas-y. Science, it works, bitches. T'es vache, hein. Tu sais que j'ai jamais eu aucun problème pour traduire une quote. Tu veux que je te la traduise en anglais? Ah, celle-là. On peut faire une traduction. Ouais, allons-y, collaborative. La science, ça marche même à la plage. Ah, bitches, ouais, bof. Ouais. Non. Donc c'est une phrase qui a été utilisée sur le blog le comment ça s'appelle les comics XKCD. Ouais, les BD en ligne là, je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais... Donc qui s'appelle XKCD que beaucoup d'entre eux, peut-être beaucoup d'écouteurs connaissent. Et donc ça veut dire en gros que la science ça marche et arrêtez de nous faire chier, regardez la science et donc c'est un petit peu agressif sur la fin. Ouais. Mais c'est assez efficace. Ok, le bitches, tu le traduis en arrêter de nous faire chier. C'est pas mal, ouais. Ouais, ou je sais pas comment. C'est l'esprit en tout cas, mais c'est vrai qu'une traduction littérale me semble vraiment impossible, quoi. Excellent. Donc, allez-y sur le site du XKCD, il y a des trucs très sympas. Ouais. On vient de mettre le lien dans la chatroom sur celui-là en particulier, et puis on les retrouvera dans les notes de l'émission. Bon, je trouve que c'est une excellente quote. Pour méditer toute la semaine, c'est pas trop controversé, quoi. Il y aura pas trop à dialoguer, mais c'est bon, très très bon, elle me plaît beaucoup. Très bien, je valide aussi alors. Merveilleux. Et puis Nico, qu'est-ce qu'il nous reste à raconter? Les plugs. Alors les plugs, en fait, il faut qu'on vous fasse part de deux soirées radio dessinées. Alors on va les dire dans l'ordre. D'abord, ce sera le podcast Science Ouverte, organisé par Robin. Donc ça aura lieu en fait, tu vois. Organisé par Robin, ça me semble un peu antinomique. Ouais, attends, c'est laquelle là-dessus ou... sur la deuxième. Ça va être le cas. Même que moi, j'ai pris des congés pour pouvoir y aller malgré ma jambe branlante. Non, c'est ça va se faire, quoi. Merveilleux. Donc, on donnera des précisions quant au lieu. C'est dans la région parisienne. Qu'est-ce que tu dis? Que c'est dans la région parisienne, en tout cas de ma perspective. Ouais, c'est dans la région parisienne. Par contre, ce que je ne sais pas encore, enfin, on vous donnera les précisions. Je ne suis pas sûr que physiquement, vous pourrez venir. De toute façon, je suis pas sûr que vous n'aurez pas spécialement envie. Enfin, c'est assez loin. Et je ne suis pas convaincu. Il faut qu'encore je valide avec Robin que n'importe qui puisse venir. Mais on fera une diffusion en live, de toute façon. Yes. Donc, il n'y aura pas d'émission le 25 juin. Mais il y aura cette soirée radio dessinée à partir de 17h, le vendredi 27, que vous pourrez bien sûr suivre sur live.podcastscience.fm pour voir les dessins, etc. Puis c'est toujours très très sympa ces soirées radio dessinées. Et puis le truc intéressant, c'est que pour le prix, il n'y en a pas une, mais deux. en fait. On arrive gentiment à la fin de la saison, c'est quoi la 4 on prévoit la rentrée de la saison 5, et ben, ça va être une rentrée en fanfare le 23 août. La nouvelle saison débutera par une soirée radio-dessinée qui suivra une visite au CERN. Alors, c'est Xavier Durussel qui se charge de l'organisation de Tool Beans. Notez déjà la date, hein, le 23 août. Le nombre de places sera limité. Je ne me rappelle plus si c'est 24 ou 48 personnes. Il y aura une visite. Avec un peu de bol, on pourra descendre visiter une expérience. C'est... Enfin, on vous en dira plus, mais pour le moment, notez la date, et puis si vous avez envie d'en faire partie, manifestez-vous le plus vite possible. Le plus simple, c'est de vous adresser à Julie, à l'adresse podcastscience@gmail.com, et puis les détails suivront. Mais en tout cas, là, ça va être la fête totale, visite du CERN, plus soirée radio dessinée, droit derrière. C'est sympa, c'est péchu comme rentrée. Ouais, c'est standard, quoi. Voilà. Non, c'est péchu comme rentrée, ouais, tout à fait. Ça va être cool, quoi, vivement. Mm-hmm. Moi, je suis jamais allé au CERN, moi. Eh ben, il est temps. Et comme il paraît que c'est là que tout a commencé. C'est ça. Ouais. On crée des trous noirs, tout ça. Ah, vous éclatez. Ouais. Chercher des particules qui n'existent pas, tout ça. Parfois qui existent. Il y a Julie qui va faire le déplacement de Nice. Donc, ce sera aussi l'occasion de rencontrer Julie en chair et en os. Ouais, Julie, que vous entendrez dans des prochains freestyles, je crois pas la semaine prochaine, mais ça va venir, on s'en rapproche, quoi. C'est pas elle qui nous prépare le blog audio ? Si, on l'entendra, en fait. Oui, mais on l'a déjà entendu dans des blogs audio, mais je veux dire en live, quoi. Ah ouais, en live, pour de vrai. Pour lui poser des questions, râler, tout ça, quoi. On verra tout ça en août, donc pour aujourd'hui, on va conclure. Que vous ayez aimé ou pas, surtout n'hésitez pas à le dire via les commentaires dans les notes d'émission, les commentaires de la retranscription aussitôt qu'elle sera en ligne. D'ailleurs, si une bonne âme rapide et bonne en orthographe veut bien s'y coller, ce serait super sympa, elle aussi, qu'elle prenne contact avec Julie, notre prêtresse des coulisses, à l'adresse podcastscience@gmail.com. Vous pouvez également commenter, échanger, partager sur SoundCloud, Facebook, Twitter, Google+, iTunes, partout où vous nous retrouvez en cherchant simplement Podcast Science. Si vous voulez commenter chez Nima, c'est Sham and Science sur Twitter ou sur son blog. Vous mettez simplement ça dans Google. Encore un immense merci à Nima d'être passé chez nous ce soir. Merci à tous. Merci à Billy de l'avoir hébergé au prix du renoncement à un concert d'Arcade Fire, quand même, s'il vous plaît. J'ai pas fait exprès de renoncer. Ouais, non, mais... C'était un plaisir de l'accueillir. Ah, merveilleux. Trop gentil. Et merci à Nico Tup et Julie qui font tourner la baraque, aux autres chroniqueurs du podcast, présents ou pas, Irène, Robin, David, qui étaient là, mais qu'on n'a pas tellement entendu, en fait, finalement, David. T'es toujours là ? Yep. Ouais, ça fait bizarre. L'alcool, ça le calme, hein. Il parle plus. Quoi. Il s'est pas remis encore de ses tournées dans les pubs. Vous m'entendez pas, là ou... Si, on t'entend, ouais. Parle, ouais. Okay. T'as pas posé une question, t'as pas parlé de l'histoire des vaccins, de pourquoi, machin, non, rien du tout. On est presque un peu plus calme, hein, quand je suis là. Ouais, t'es sage comme une image. Merci aussi à Pascal pour la chatroom meilleure de semaine en semaine. Merci à Pouillot pour ses dessins formidables, à toutes les personnes qui nous soutiennent via des dons, de la promo sur les réseaux sociaux ou de la promo sur les réseaux sociaux. Merci aux aficionados de la chatroom, aux milliers d'auditeurs qui nous font confiance chaque semaine. Et donc, après le programme intensif de ces cinq dernières semaines, on a quand même eu tour à tour Hilbert, les calculateurs quantiques, on a parlé de génomique, de maths et de musique, et ce soir de vaccins, rien que ça. On se détend un petit peu la semaine prochaine avec notre ami Pouillot. Donc on se retrouve le mercredi 11 juin 2014 à 20h30 sur live.podcastscience.fm. Et d'ici là, une excellente semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Sur mon blog un peu quand même. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est la catastrophe. Si je veux bien faire... T'as un blog, Billy ? J'ai un blog, bande de bâtards. Ouais, mais attends, parce que là, il y a un deal. Hein. Tu fais ton interview sur Podcast Science, on te la retranscrit, puis après, tu peux la mettre sur ton blog. Ah bah, c'est gentil, merci. Je me suis tapé 30 heures pour avoir le droit de mettre mon truc sur mon blog. Vous êtes mignons, les mecs. Non, je te parle d'interview. Vous êtes dans quel monde, là ? Non, mais tu râles parce que tu dois écrire, il faudrait savoir. Maintenant, tu râles aussi parce qu'il faut préparer. Non, mais franchement, quelle râleuse. Pas d'ordinateur juillet-août, c'est fini. Je ne me connecte pas. Bon, c'est pas grave, tu sais, il y a des livres, il n'y a pas toujours eu des ordinateurs pour préparer des dossiers. Tu dis ça pour nous faire plaisir. Parce que pas, je les connais pas, si vous vous connaissez pas du tout, vous êtes connu avec les blogs, tout ça. Alors, en fait, on a vu qu'on avait des blogs qui parlaient un peu de science, et pour faire monter l'audimat, on s'est dit que ce serait pas mal de rapprocher les deux, quoi. On supporte pas. C'est ça. Je vous déteste. D'accord, non, mais moi j'aimerais bien savoir la vérité. Hein. Je sens qu'il y a des choses qui me sont cachées. C'est tellement surfait la vérité. Quelle attitude de zététicien, franchement. C'est quoi que t'appelles la vérité? Quelle vérité? Vous arrêtez sérieusement de me faire passer pour une folle furieuse alors que vous maltraitez. Lima, est-ce que tu peux couper le micro de Billy parce que sinon on va plus s'entendre.